Mais moi, je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais, son avenir, c'est le métissage. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Bonjour à tous, chers amis, bienvenue sur notre émission hebdomadaire Démocratie participative, saison numéro 1, épisode 23. Et cette semaine, nous avons un panel assez intéressant d'intervenants. Vous les connaissez pour la plupart, je présume. Mais avant de leur donner la parole, je tiens à vous inviter, si vous le souhaitez, à nous contacter, autant pour moi, sur notre adresse email, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Je répète, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, j'insiste vraiment là-dessus, parce que comme ça, vous pouvez nous suivre, vous pouvez voir les alertes quand nos nouvelles émissions apparaissent. Et évidemment sur la page Facebook aussi, pour partager avec vos amis, vos collègues, que vous soyez sous pseudo ou pas, partager nos nouvelles émissions. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux, les chiffres de vues sur YouTube l'indiquent, sur SoundCloud aussi, on est sur SoundCloud, hein, si vous ne le savez pas, plateforme audio exclusivement. Voilà, suivez-nous sur ces médias. Alors, cette semaine, comme je le disais, on a des intervenants établis, j'ai envie de dire, mais de qualité. Je commence tout de suite avec Derek, incontournable Derek. Comment vas-tu, cher Derek? Bonne semaine? Ouais, bonne semaine. Hein. Depuis quelque temps, c'est vrai que ça va toujours bien. Il y a un effet Trump dans l'air, je sais pas pourquoi, il y a des morts inexpliquées. Ouais, bah on va en parler tout à l'heure, je pense. On va en parler. Poporovitch! Salut Poporovitch, ça va? Shalom alaikum à tous, ça va. Ça va? Ouais, bien. On a Astérix aussi avec nous, incontournable Astérix aussi. Salut tout le monde, salut Gandalf. Bah moi ça va, hein, tu t'en doutes. Faudrait plutôt poser la question aux gauchistes, comment ça va depuis, ça fait maintenant 2 semaines que c'est la fin du monde. Donc ils ont l'anus, les cafards et les rats. Ils ont l'anus en feu, enflammé, boursouflé, explosé, des vergetures partout, enfin c'est horrible. Et c'est que le début. Captain America, comment vas-tu? Eh ben écoutez, bonjour à tous, moi je vais très bien et en avant pour une nouvelle émission avec beaucoup d'entrain et des choses intéressantes à dire sur tous les sujets qui nous passent par la tête, voilà. Ouais, d'ailleurs, faudra qu'on revienne sur cette histoire de chocolatine contre pain au chocolat, qu'on aura 5 minutes là. Il y a une guerre là-dessus. Et MacDav, comment vas-tu, MacDav? Bonsoir, chers amis, ça va très très bien. Je suis sur une lancée phénoménale depuis 2 semaines. Le fascisme est aux portes du pouvoir. C'est une très bonne chose. Ah, voilà, ça c'est une entrée en matière. Le fascisme est aux portes du pouvoir. Il suffit de pousser un tout petit peu. Alors. Première rubrique, vous la connaissez, autisme radical. Alors, premier sujet de cette rubrique, qui concerne donc les élections, les primaires du parti dit de centre-droit, les Républicains, avec cette lutte au sommet entre, pour moi, hein, deux tocards, Juppé et Fillon, et une électrice d'Alain Juppé, a tenu à dire pourquoi elle tenait à voter et faire voter pour son champion, pour celui qui représentait à ses yeux le mieux la France. On l'écoute immédiatement et ensuite je récolte le sentiment, l'opinion de nos intervenants. On va donner Fillon au crocodile. Eh oui, parce que crocodile, quand il a tout mangé, il n'y a même pas un os. Juppé, président, Juppé, président. Je vous en prie les bébés, il faut le soutenir. D'accord? Il faut que Juppé passe. On a la dernière chance d'avoir un monsieur intelligent et surtout pas raciste, ni antisémite, ni islamophobe, Oui, même pas homophobe, rien du tout. Il dit la vérité. Mais les autres se cachent derrière le LR. Ils se cachent, il faut qu'ils votent le Front National directement parce qu'ils nous font chier. Ils ont gâté UMP, maintenant ils gâtent LR, ils nous font chier. Ouais. Alors les gars, c'est du... Bon, ça c'est la France profonde qui s'exprime là. Alors, qui a envie de me parler des raisons profondes du vote Juppé là? Qu'est-ce que... Derrick, commençons par toi. Je veux tes lumières. Moi ça me rappelle quand François Hollande a été élu. Je sais plus si c'était une de leurs places à la con en haut à Paris, où tu avais des troupeaux de nègres là, qui étaient contents d'avoir élu Hollande, d'avoir dégagé Sarko pour une histoire de présidentielle, c'est qu'ils avaient fait éjecter un président ou un autre dans leur pays. Donc voilà, c'est pareil quoi. Donc là ces populations là se sont reportées de Hollande à Juppé. Et pourquoi? Pour quelle raison? Bah écoute, parce que, enfin, je sais pas, il y a qu'à voir le vote Juppé. Tu regardes ces départements de, là autour de la Gironde, la Martinique, la Guadeloupe et le 93. Quoi. Il n'y a que là qu'il arrive en tête. Donc, chez les Basanés, quoi. Chez les Basanés. Ouais, en particulier chez les Nègres. Hein. Et alors, en fait, il y a eu comme ça, il y a eu une rumeur. Alors, je sais pas si elle est. Enfin, c'est avéré factuellement, mais je ne sais pas quelle est l'ampleur de l'impact, à mon avis, proche de zéro. Mais il y a eu des appels dans les mosquées par les frères musulmans à voter Ali Juppé. Ça vaut le coup d'en parler, ça aussi. Mais il y a eu des appels. Hein. Je pense à la mosquée de Bordeaux, de Tarek. Oui, non, mais ça, c'est évident. Oui, ouais. Mais c'est quand même membre éminent de l'UOIF. Donc, les mecs sont quand même à fond derrière lui. Et quand tu as François Fillon qui dit qu'il faut interdire les frères musulmans, là, il faut aller voir sur Facebook. Hein, toutes les pages des islamistes et compagnie, ils sont en mode flippette. Ouais, ils sont pas très très très chauds. Qui veut réagir sur cet appel du cœur de cette électrice d'Alain Juppé qui dit pourquoi il faut voter pour Alain Juppé? Alors ouais, moi j'ai un truc à dire là quand j'entends la négresse qui nous dit. Je l'ai noté quelque part, je vais le relire hein, pour les gens qui l'ont pas sous les yeux. Mais c'est que dit oui Monsieur Juppé en fait il est pas raciste, il est pas islamophobe, il est pas antisémite, il est même pas homophobe. En fait le truc c'est donc le mec déjà il est fade quoi tu vois parce que tout va bien, tout se passe bien, il y a pas de problème en France. Mais surtout il est pas raciste, tu comprends? Je veux dire la négresse elle va pas voter pour un mec qui lui dit bon mama là. T'es mignonne, mais t'es pas trop locale, quoi. T'es pas trop du coin, quoi. Forcément, ces gens-là, ils vont voter pour des gens qui flattent leurs intérêts, quoi. Et c'est pour ça que tous ces gens, là, tous ces patriotes saucisson pinards, hein, ces civiques nationalistes, comme on dit en anglais, les gens qui ne prennent pas en compte la race, font fausse route. Parce que, in fine, hein, il y aura toujours cette fracture raciale et il se passera à un moment donné en France ce qui se passe déjà aux États-Unis, c'est-à-dire que les Noirs voteront pour leurs intérêts, les Blancs pas forcément à cause justement de la propagande et compagnie, mais on ne peut pas réconcilier l'huile et le vinaigre quoi. Ouais, ça c'est pas évident. Astérix, vas-y. À ce qui m'a bon, il y a plein de choses hein, qui m'ont amusé, mais là j'y réfléchis. En même temps que vous avez nommé les quatre ennemis, donc racistes, antisémites, quoi d'autre, islamophobes et homophobes. Homophobe. Ce qui est marrant, c'est le homophobe à la fin, parce que je le redis à cette dame qui ne doit pas connaître son continent, mais on peut pas être à la fois antiraciste et anti-homophobe, puisque quand on veut donner le droit aux Africains d'être Africains, quand on veut donner le droit aux Noirs d'être Noirs, bah on se rend compte que l'homophobie, elle revient vite à la surface, elle remonte vite à la surface. Donc pour être anti-homophobe, il faut forcément vouloir changer l'Afrique et les Africains. Donc il ne faut pas les aimer tels qu'ils sont là, donc il faut être en partie raciste. Enfin bon, ça m'a amusé. Mais de toute façon, là, c'est un truc qui va un peu plus loin. C'est-à-dire que moi, je me rends compte que, en fait, le discours le plus fourbe pour l'Afrique et les Africains, en fait, c'est le discours de ces espèces de mecs qui prônent l'immigration choisie, qui prônent l'assimilation, qui prônent tous ces trucs-là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tous les Noirs qui vont être capables de s'assimiler, de s'intégrer et de se faire aux lois de la République, ça va être les Noirs à plus gros QI. Donc tous les Noirs qui vont être capables de faire des hautes études, des choses comme ça. Donc en fait, en gros, c'est signifier définitivement à l'Afrique, voilà, vous n'aurez plus jamais un mec capable de construire quoi que ce soit, dont vous êtes nos esclaves pour l'éternité, quoi. Parce que pour que l'Afrique se développe comme ils le souhaitent tous, enfin ça c'est une grosse incohérence du discours Juppé, tu peux pas être Fillon, tu peux pas voir le développement de l'Afrique et leur prendre leurs élites avec l'immigration choisie. Parce que forcément un Africain qui a fait des hautes études, s'il a le choix de s'établir en Europe ou de s'établir dans son pays, il va s'établir en Europe. Donc il faut juste lui interdire de s'établir en Europe. Donc il faut non pas de l'immigration choisie tout ça, mais un racisme qui va du mec, du noir qui nous emmerde jusqu'au noir qui est très bien intégré, non pas parce qu'il nous fait chier nous, mais parce que pour le coup, son continent a besoin de lui, quoi. Donc si on est cohérent dans leur discours, il faut l'immigration choisie, c'est une arnaque pas possible. Ouais. Je te suis totalement sur ce sujet. Magda, vas-y. Eh ben, écoute, moi je trouve que c'est une très bonne chose que le bourgmestre, le maire d'une ville qui s'est illustrée dans la traite négrière, soit le soutien de la communauté noire. Alors, est-ce qu'il va s'amuser à remettre en place un commerce triangulaire, pourquoi pas. J'espère qu'il le fera dans un autre sens, ce sera assez sympathique, mais je trouve qu'on avance vers la réconciliation, t'as un espoir que je formule. Là je vous invite à regarder sur internet, c'est en anglais, mais c'est l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, qui fait une blague à propos de Juppé. Alors, c'est assez cocasse, je vous invite à le regarder, quoi. Il dit, voilà, il est maire de Londres à l'époque, maintenant il est ministre des Affaires étrangères, et alors pour ceux qui ne connaissent pas, Boris Johnson, c'est un bonhomme un peu foufou, il est intelligent, il est brillant, mais il a un comportement assez erratique, il a les cheveux en pétard, très blond, décoloré, c'est assez spécial comme personnage. Et un coup, il raconte ça dans un grand meeting lors des élections, je crois élections, ou je sais pas quoi, enfin du parti conservateur britannique. Tout d'un coup, il dit un jour, je vois Juppé débarquer, etc. À Londres, je le reçois et tout. Bonjour monsieur, etc. Il est entouré de gens tirés à quatre épingles, etc. Et Juppé se présente, il dit la chose suivante, il dit bonjour, je représente la neuvième ville de France. Il parle comme ça au maire de Londres. Donc, tu sais, le mec, il se pousse du col, tu vois. Et tu sais, du tac au tac, Boris Johnson lui répond eh « ben moi, je représente la sixième ville de France. Parce que j'ai 300 000 Français qui sont établis à Londres. » Et le Juppé, il est resté sec. Il n'a rien répondu. Il s'attendait carrément pas à ça. Et en plus, c'est raconté avec beaucoup d'humour. Et en plus, il ajoute à ça une blague. Il dit mais en France, ils ont quand même quelque chose d'extraordinaire et tout. C'est ce que des mecs comme Juppé peuvent continuer à se représenter indéfiniment, même devenir. Enfin, ils peuvent être Premier ministre, devenir maire et même pouvoir être peut-être président. Enfin, il fait une blague comme ça. Et il dit Je trouve que c'est une loi très intéressante, etc. J'aimerais bien l'avoir appliquée au Royaume-Uni, quoi. Parce qu'à l'époque, il était maire de Londres et il aspirait à devenir Premier ministre. Et enfin, il faut voir cette vidéo parce que c'est vraiment l'humour britannique. Et je veux dire, le pauvre Juppé, il se fait défoncer, quoi. Parce que Juppé, c'est ça. Enfin, ce qu'on lui a reproché beaucoup à ce mec-là, c'est de l'énarque avec un balai dans le cul, très, très, très froid, très, très, très, très cassant. Enfin, bon. Bah, c'est ce qui est... De toute façon, Juppé, il va profiter d'un élan de soutien de la part de toutes les forces anti-France. Puisque... Il faut imaginer quand tu vois si toi t'es anti-France, bon nous il se trouve qu'on est pro-France, mais si on voulait la destruction de ce pays et de ce peuple, quand on voit cette vieille épave qui arrive même plus à se rendre compte qu'elle a un filet de bave qui penche, je sais pas si vous l'avez vu pendant le débat, vous savez, mais c'est le début de la sénilité, quand tu commences à ne plus, tu sais, les nerfs ne fonctionnent plus, donc tu sens plus que t'as de la bave collée aux lèvres, quoi. Et donc le mec est sénile, tous les groupes anti-France, toutes les forces constituées anti-France, elles voient cette vieille épave, elles disent putain, on tient notre mec qui va définitivement couler ce pays, quoi. On tient le mec qui va pouvoir bouffer comme des charognards. On a notre Hillary Clinton, quelque part. C'est ça, c'est ça. Moi, je dirais, bon, par contre, à ces risques, qu'on est, juste pour finir, qu'on n'est pas pro-France, on est pro-blanc. Parce que la France, c'est de nos jours... Ah, ça, ça dépend. Moi, je m'empresse de sauter là-dessus. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont nationalistes français, des gens qui sont identitaires européens, et chacun voit son échelle. Donc, après, voilà. Bon, moi, j'ai mes idées là-dessus, mais les gens... Enfin, autant que... Sur l'émission... Je sais qu'Astérix, c'est quelqu'un qui est plutôt un patriote français, par exemple. Toi, t'es plutôt un, on va dire, un identitaire blanc. Et entre ces polarités, il y a différentes nuances, etc. quoi. Ouais, c'est ce sur quoi on met l'accent en premier qui change. Voilà, c'est ça. Ouais. Moi, je veux dire, de toute façon, sur l'émission, tout le monde est bienvenu. Il n'y a pas de... Enfin, tout le monde est bienvenu. Enfin, non. Ouais, Olivier Besancenot n'est pas le bienvenu. Et Roger Kuckermann n'est pas le bienvenu non plus. Je tiens à le souligner. Ceci, même à Yannick Noah, je le sens pas tellement. J'enchaîne sur le sujet numéro 2. Alors là, c'est humoristique. Enfin, c'est humoristique. Ça, c'est à son corps défendant, le pauvre gars. C'est Laurent Louis. Vous connaissez Laurent Louis? Bah déjà, l'évocation de son nom me fait rigoler, quoi. C'est bien. Oui, oui, sa dentition aussi, peut-être. Alors, Laurent Louis, vous savez, c'est ce député belge... Bon, qui manquait pas, je veux dire, c'est un peu le mec qui veut bien faire, quoi. C'est, au départ, au début de sa carrière de député belge, il est devenu député un peu par accident, je crois. Hein, c'est plus ou moins. Oui, non, mais je sais ce que tu veux dire, Astérix, t'en fais pas. T'es l'avocat des causes perdues, tu vas intervenir au moment où il faut, tu vas essayer de sauver le truc. Laurent Louis, tu vois, il nous a fait son truc pendant 5 ans en tant que député belge, et à vrai dire, il y a certaines interventions qu'il a eues à la tribune qui étaient bonnes. Tu vois, bon, le personnage ressemblait à rien, objectivement, mais il y a eu des propos qu'il a tenus, et qu'il a tenus en face des ministres, etc., premier ministre et tout, comme dit Rupiot, qui est une ordure, avec son papillon, j'ai envie de lui faire bouffer son nœud pas, parce que cet enculé, là. Pardonnez-moi mon vocabulaire, mais c'est vrai qu'il faut le reconnaître ça, Laurent Louis. Ceci étant dit, le mec est quand même quelqu'un qui interroge. Alors, pourquoi je dis ça maintenant, après avoir eu son quart d'heure de gloire en tant que député belge, notre ami Laurent Louis s'enfonce dans une sinistre histoire d'escroquerie. Je vais vous en donner le détail. Et là, je lis la presse belge. Alors, vous allez me dire, c'est la presse belge, ça vaut rien. Oui, enfin, on va y revenir. Alors. Laurent Louis est devenu le promoteur d'une pseudo-crypto-monnaie qui lui a rapporté gros, mais pourrait bien l'envoyer derrière les barreaux. Une nouvelle plainte pénale des plus accablantes vient tout juste d'être déposée ce vendredi au parquet de Bruxelles contre l'ex-député le plus décrié du pays. Laurent Louis, pour vente pyramidale, escroquerie, violation de la loi dite bancaire et blanchiment d'argent. Probablement la première d'une longue série. Il faut dire que celui qui est aujourd'hui allocataire social, donc en fait il touche le RMI, quoi, et touche officiellement 1 750 € par mois, depuis qu'il a perdu ses plantureuses indemnités parlementaires de quasiment 7 000 € par mois, est devenu l'un des promoteurs en chef pour la Belgique d'une gigantesque arnaque internationale de type pyramidal. Ils exagèrent un peu, parce que gigantesque, voilà. Hein. Il est ainsi accusé d'avoir généré un chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros pour une société qui vend de la soi-disant crypto-monnaie dénommée OneCoin, et d'avoir grâce à cela empoché en l'espace de 8 mois seulement de 100 000 à 200 000 euros de commission. Je vous passe les détails, mais en fait c'est une espèce de gigantesque pyramide de Ponzi, où j'explique pour ceux qui nous écoutent, quoi, pour ceux qui sont pas forcément familiers du truc. En gros, moi je dis voilà, si tu me donnes 10 €, tu vas toucher. Enfin, comment quelqu'un peut expliquer la pyramide de Ponzi proprement, parce que je vais y passer 1000 ans et je serai pas efficace. Bien sûr, la pyramide de Ponzi, c'est un système d'arnaque où, si vous voulez, les dividendes des premiers entrants sont en fait le capital des derniers entrants. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ouais, bah, concrètement, pratiquement. Eh ben, c'est très simple. On promet des rémunérations qui sont très élevées, donc ça allèche le client, mais en fait, ce pourcentage de rémunération n'est obtenu que parce qu'un pigeon rentre et place son capital dans l'espoir d'être rémunéré comme le premier. Ouais, évidemment, ce n'est pas possible et ça s'effondre. Tant qu'il y a du monde qui rentre, enfin, il y a quand même une certaine vitesse, hein, parce que c'est un développement exponentiel. Dès que la machine se grippe, tout s'écroule. C'est là qu'il faut avoir quand même un billet d'avion sous la main, quoi. Alors, notre ami Laurent Louis, je continue, après on va rentrer dans le machin. Parce qu'il y a des trucs vraiment glauques, quoi. Attendez que je remette la main là-dessus. Parce que le mec, il a baratiné, incroyable. Pour ce faire, Laurent Louis n'aurait eu à recycler que son électorat, enfin c'est ce qu'il dit, c'est la presse belge qui parle, afin de recréer son propre réseau au sein de ce qui représente à coup sûr comme une ingénieuse chaîne de Ponzi. Donc en fait, ils disent, voilà, Laurent Louis a utilisé sa notoriété, son nom, ses sympathisants, pour créditer son système d'arnaque. Il serait déjà plus de 2000 à 3000 Belges à lui avoir fait confiance, probablement des gens d'ailleurs aussi. Ouais, ça craint quand même, hein. On va y revenir. Attends, lui remettant dans certains cas toutes leurs économies. Et pour cause, l'intéressé leur a fait miroiter qu'en investissant dans son business, ils pouvaient à leur tour, et là l'article cite la personne, enfin Laurent Louis, participer à la révolution financière et s'émanciper personnellement, devenir leur propre patron, sortir du système, gagner au moins 10 fois leur mise de départ, le tout sans payer de taxes à l'État. Mais c'est magique. C'est en fait Laurent Louis te vend du communisme profitable, quoi. C'est extraordinaire. Quelqu'un veut parler là-dessus. Oui, alors, sur Laurent Louis et le oui, je vais me faire l'avocat du diable, mais du débile léger qui est Laurent Louis. Bon, Laurent Louis est un blanc. Je ne serais pas surpris qu'en remontant sa génération, on retrouve un petit peu de consanguinité, parce qu'il a l'air quand même très limité comme garçon. C'est un accident politique, hein, vraiment. Il le dit lui-même, mais en fait, je crois qu'il a un petit peu... il a eu une place un petit peu au hasard, on a filé une circonscription. C'est un abruti, et le système de Ponzi est toujours maquillé d'un autre type d'arnaque. Donc là, c'est sur celui d'une monnaie qui est apparemment... je veux dire, imiter le Bitcoin. Tout ça sans le neutron. Tout ça sans le neutron très très fort. Je ne suis pas alors, certain. Alors, ils disent que le système, parce que Laurent Louis, il n'est pas tout seul dans l'affaire. Ils disent que ça remonte jusqu'en Grèce, en fait. Et que précisément, ils ont utilisé le fait que le système bancaire grec est à l'envers pour monter des affaires très douteuses. Et alors, pour ajouter le glauque au glauque, je cite toujours l'article, les transactions se sont faites de la main à la main. C'était Laurent Louis qui se chargeait par la suite de l'encodage des mouvements de fonds online et remettait donc à la victime ses commissions en liquide, soit au McDonald's de Waterloo, c'est une blague ce truc, soit dans une station essence de le long de la route. T'as Laurent Louis qui arrive. Il faudra mettre une photo de Laurent Louis dans la description de l'émission. Oui. Parce que là, les gens ne le connaissent pas forcément. Déjà, vous voyez sa tête, ça en dit long. On a parlé du fait que ce type-là avait eu des positions quelquefois qui étaient pas inintéressantes. Bon, par contre, on n'a pas parlé de ses positionnements. Franchement, inintéressants, voire pire. C'est-à-dire que le mec, il est quand même assez... se présenter à une élection sous le nom du parti islam, tu vois, donc c'est voilà. Avec alors, des énormes... pour resituer pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est-à-dire que dans le mouvement d'Alain Soral, bon, Alain Soral, moi je reconnais des qualités, je reconnais des défauts, voilà, j'ai pas de rage particulière contre lui, donc voilà, je donne mon avis, mais quand même, il a charrié volontairement ou involontairement, en tout cas une partie pendant un certain nombre d'années volontairement à Laurent Louis avant de s'en débarrasser, mais il a charrié un certain nombre de personnages, et Laurent Louis s'est vanté d'être anti-sioniste, anti-israélien, d'être pour tout ce qui était les peuples colorés les plus divers et les plus avariés, n'est-ce pas. Et puis ce bonhomme s'étant fait foutre dehors du Parlement de Belgique, parce qu'il est arrivé là-dedans par effraction, l'explique très bien, il dit « je crevais la dalle ». Alors, on ne sait pas où ce qu'il a fait de ses indemnités, etc. Visiblement, il a tout croqué, quoi. Il est maqué à une Algérienne, et en fait, il a un putain de discours de gaucher à antiraciste immonde. Le mec est un putain de débile léger pro-crouille, c'est horrible. Et maintenant, que... franchement, il s'est reconverti. Et là, tu le vois, quoi. Le mec se finit dans une espèce d'escroquerie. Et d'après vous, qui l'a escroqué? Qui l'a escroqué? C'est quoi son public de... C'est justement pour ça que moi j'ai la théorie inverse, c'est-à-dire que moi je pensais qu'il était un petit peu débile en fait, qu'il savait pas trop où il en était, et quand j'ai appris cette histoire là avant l'émission d'escroquerie, en fait maintenant je comprends mieux le personnage. En réalité il est très loin d'être débile léger, d'ailleurs c'est pour ça que il tenait rhétoriquement c'était quand même bien ce qu'il a balancé sur la pédophilie et tout ça devant un parterre, quelqu'un qui est faible mentalement, quelqu'un qui il se serait mis à bégayer, il se serait mis en boule, il aurait été en PLS face à ce parterre de politicards charognards qui te regardent avec leurs petites pupilles de reptile là. Tu penses bien qu'il aurait claqué des genoux. Donc je pense que en fait il est assez malin, c'est-à-dire que depuis le départ c'est un type qui un branleur malin. Ensuite, quand il a perdu son truc de député, il a essayé de surfer sur la vague Soral Dieudonné de manière tout aussi maligne. C'est-à-dire, en fait, ce mec n'a jamais eu aucune bonne intention pour faire quoi que ce soit de bien. Il a essayé de surfer pour se faire du fric. Ensuite, il n'a pas été content quand il a compris qu'il allait pas être, il n'était pas assez haut dans cet organigramme-là et qu'il ne toucherait que des dividendes. Donc il s'est mis à essayer de monter sa petite escroquerie, et comme t'allais le dire Gandalf, les victimes de cette escroquerie vont être sa clientèle, donc à mon avis des musulmans soralo compatibles, quoi, c'est-à-dire des gens des musulmans pas trop tarés qui parlent à peu près français, et puis je pense que c'est ces mecs-là qui va arnaquer en fait, quoi. Puis des survivalistes aussi, enfin des gens comme ça, quoi. Tous les gars en fait qui ont eu peur que ce soit la fin du monde en 2012. Des patriotes musulmans qui viennent te dire que les Arabes ont sauvé les Français de la barbarie nazie. Ouais, ce genre de public. Ouais. Mais en fait, non, mais moi, le mec a été malin. Le mec a été candidat du parti islam. Hein. Faut quand même le rappeler. Voilà. Rappelons-le. Oh mon Dieu. Oh là là. Il faut rappeler dans la genèse de son processus d'escroc, c'est que le type d'abord, c'est quelqu'un qui a été bazardé par Dieudonné, qui était en train de monter lui-même sa propre escroquerie, qui est l'histoire de sa boutique d'assurance là, Show Ananas Assurance ou je sais pas quoi là. Et au début, Laurent Louis devait être le principal pilote de la boutique de Dieudonné, de son truc hallucinant de police d'assurance, négocié avec les plus grosses firmes d'assurance, c'est un truc de fou. Ouais, c'était juste du rabattage pour un courtier en assurance. Hein. Ouais, c'est absolument c'est pas quelqu'un qui monte son fonds d'assurance. Il y a des vidéos de Laurent Louis en ligne, le mec il explique qu'il a suivi des cours en tant que courtage d'assurance, il trouve pas ses ronds, il est dégoûté, etc. Parce que Dieudonné est un putain de rat qui donne aucun sou, quoi. Et le mec se rabat sur sa propre escroquerie, il s'est dit « je vais devenir mon propre Dieudonné, je vais monter mon propre système d'escroquerie, quoi ». Sauf que là, il a escroqué tellement de gens, parce que là on parle de 3000 personnes, c'est énorme. 3000 personnes escroquées, connues. Laurent Louis risque de finir dans les barreaux, voilà. Hein. C'est... Bah, il aura des amis musulmans pour le protéger. Ah bah ouais, c'est ça. Voilà, il sera élu député. C'est peut-être pour ça d'ailleurs. C'était peut-être prémédité. C'est peut-être pour ça qu'il s'est fait pote avec des mecs à barbe il y a 2-3 ans. Là, il savait déjà peut-être qu'il risquait de finir au trou. Enfin, je crois que tu l'as dit aussi. Moi, je pense qu'il faut plus chercher du côté de la malignité, quoi. C'est quelqu'un de malin, d'intéressé, qui n'a pas de grandes compétences autres que justement ses aptitudes à plaire, à séduire, en fait. C'est un séducteur. Moi, je pense que nous, on le prend pour un débile léger parce qu'on l'a vu sous un autre angle depuis le départ, quand il est arrivé avec ses barbus je sais plus quelle, la présidentielle belge ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'était tellement ridicule qu'on l'a tout de suite assimilé à un taré. Mais en réalité, c'est juste un malin. Ouais, je sais pas. À voir. Enfin, en tout cas, ça en dit long sur cette mouvance. Bon, c'est juste une anecdote. Hein, ça fait partie de autisme radical. Sujet numéro 3, avant de clore cette rubrique. Alors là, c'est la dissonance cognitive entre ce qui se passe et ce qu'on nous a vendu. Et là, je vous envoie à Hennebon, dans le Morbihan, en Bretagne. où une jeune fille de 13 ans a été littéralement traquée par des migrants soudanais, hébergés dans un CAO, donc les centres de fortune qui créent pour accueillir les clandés. Je vais citer hein, uniquement l'article du journal Le Télégramme, pas dans son entièreté, hein, juste pour avoir un aperçu. Poursuivi pour avoir sifflé, apostrophé. Ah oui, poursuivi judiciairement, c'est ça que ça veut dire. Poursuivi judiciairement pour avoir sifflé, apostrophé et poursuivi une fille de 13 ans à Hennebon, deux jeunes Soudanais ont été condamnés ce vendredi par le tribunal correctionnel de Lorient à 6 mois de prison avec sursis pour violence aggravée. Lundi après-midi à Hennebon, une jeune fille va récupérer sa sœur à l'école. Sur le chemin, trois jeunes lui lancent « Donne ton 06, t'es bonne, c'est de la chair fraîche ». Affolée, l'adolescente rapporte avoir été coursée sur 200 mètres jusqu'à l'école où elle trouve refuge. Une dame venue récupérer ses petits-enfants est témoin des sifflements suggestifs. Les deux prévenus ont été interpellés ce mercredi et placés en garde à vue. Assistés d'un interprète en arabe, les deux migrants ont raconté leur parcours, depuis leur fuite d'un pays en guerre jusqu'à la jungle de Calais en 2016. Ça, c'est ce qu'ils disent. Ils sont désormais accueillis au centre d'accueil et d'orientation d'Hennebon et nient en bloc les faits qu'on leur reproche. On n'a jamais vu cette fille, on ne parle pas français, explique-t-il à la barre. Souffrant d'un syndrome de stress aigu, la jeune victime a bénéficié de 3 jours d'ITT. Même s'il n'y a pas de coups, il peut y avoir des blessures profondes, a insisté l'avocat de la partie civile, évoquant une petite fille très sérieuse qui n'a pas l'habitude de raconter des histoires. Aujourd'hui, elle a peur d'aller chercher sa petite sœur, peur de recroiser ses agresseurs. Leur histoire, leurs difficultés de vie ne peuvent être, donc celles des migrants, ne peuvent être utilisées comme un paravent pour se déchausser et échapper à leurs responsabilités. Derek, à toi. Ouais, donc dans l'article, ils disent des jeunes soudanais. Alors, je tiens à préciser que le qualificatif jeune pour ce qui concerne les soudanais, c'est très faux en fait. Hein. Ça n'existe pas, parce que généralement, ces gens-là mentent sur leur âge. Donc, s'ils sont donnés pour avoir 16 ans ou 17 ans, ils en ont sûrement 10 ans de plus. Alors, en fait, on leur donne une vingtaine et quelques, a priori, hein, quand même. Ah bah alors, oui, c'est déjà des grands-pères. Hein, ouais. Bah moi, je voudrais revenir, en fait, sur sur une de mes marottes, puisque je les ai malheureusement côtoyées. J'ai été confronté à eux dans les pays du Nord. Donc, je reviens sur ce que sont tous les Noirs de ces pays-là. Là. Soudan, Érythrée, Somalie... Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense pas que le ciel ait pu mettre sur terre des gens qui soient de nature méchante. Mais le fait est que ce qui s'est passé dans ces pays-là les a rendus méchants, les amis. Ces gens-là sont méchants. Ils sont très très méchants. Ça n'a rien à voir avec les gentils noirs qui vont pouvoir se mettre au foot, qui vont pouvoir se mettre au basket, qui vont pouvoir se mettre au zouk. Ça n'a rien à voir. Là, on parle de pirates, on parle de gangs ultra violents, des gens qui ont une relation à la drogue aussi. En gros, c'est tout ce qu'ils trouvent, quoi. C'est s'ils n'ont rien, ça sera de l'éther ou des trucs comme ça, mais c'est des gens qui se défoncent la gueule en plus. Apparemment il y a aussi l'islamisme radical qui s'est infiltré dans ces zones, donc vous imaginez quoi, je répète, pirates, islamistes, drogués, vous pouvez les mettre tous à la chaîne, mais il n'y a aucun adjectif qualificatif qui les mette en valeur, il n'y a que du négatif à trouver chez ces gens. Alors il faut savoir que ça s'est passé à Hennebon dans le Morbihan et dans une autre commune, la commune d'Arzon. Quelques semaines auparavant, des Soudanais avaient aussi agressé une mineure et une femme âgée de 67 ans. Hein. Faut quand même avoir envie, quoi. Et les mecs étaient des mineurs, hein. Donc les types sont des... C'est pas là qu'il y avait les habitants qui étaient un petit peu énervés, que le maire a porté plainte, non ? Voilà, alors là, revenons sur cette affaire. Merci, mon bon Derek. Effectivement, la population... et des opposants bretons, des habitants, des militants, si je présume, se sont mobilisés et ont voulu manifester leur colère suite à cette agression à côté du centre d'accueil et d'orientation, comme ils appellent ça, donc le centre clandestin du gouvernement socialiste français, implanté de force dans cette commune. Eh bien, on a eu des gens qui se sont rassemblés. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, c'est très simple. Les gens qui ont manifesté, les meneurs présumés, ont été interpellés ou convoqués à la gendarmerie, sont poursuivis pour manifestation illégale, etc., etc. Et pendant ce temps-là, le Soudanais agresseur de la personne de 67 ans a été exfiltré, évacué par le gouvernement socialiste, dixit le maire, dixit la justice, pour le mettre à l'abri. Donc, agression sexuelle, colère populaire, c'est le peuple qui est poursuivi par la magistrature rouge, la préfecture et tout ce qui s'ensuit, et dans le même temps, la crapule de nègres est évacuée tranquillement pour aller dans un autre CAO, etc., recevra bien évidemment ses papiers et réitérera ses actes. Voilà, la France de 2016, que voulez-vous que je vous dise, c'est pas fantasmé, hein, ce que je raconte, c'est disponible, ou Google Actualité, Google, vous tapez dedans, vous faites des recherches, tout est là. Eux, ils n'en ont rien à péter, de façon, nos droits de l'homme, nos lois de la République, mais c'est la loi du clan, la loi du nombre, je vous dis, la razzia, le pillage, la piraterie, c'est... Alors peut-être sur trois générations tu peux faire du boulot, mais là on n'a pas trois générations parce que vu les masses là, à accueillir, c'est la famine totale là-bas, c'est la guerre intégrale entre gangs et tout. C'est vraiment tous les gens de là-bas en fait sont destinés à être des migrants. Donc vu que nous on a les lois les plus accueillantes, en gros on va tous se les taper quoi, quasiment. On va se les partager avec la Suède, un petit peu l'Angleterre et l'Allemagne. En gros on va s'en prendre un quart quoi. Et je vous dis, un quart de ces pays-là, ça transforme la France, quoi. Ça transforme le paysage français. Vous oublierez vos sorties du samedi soir. Hein. Quand il y aura un clan de migrants entre chez vous et la boîte de nuit, je peux vous dire que vous oublierez de sortir. Hein. D'ailleurs, tu parles de droits de l'homme à Astérix, mais c'est pas les droits de l'homme en fait, parce que si les prétendus droits de l'homme ne défendent que le droit des nègres, des boukaks et de tous les autres à nous envahir, à violer nos femmes, nos filles, nos sœurs, nos cousines, nos amis et compagnie, alors c'est pas le droit de l'homme, c'est le droit de toutes les raclures de la terre de nous casser les couilles, quoi. Et nous, on n'a plus aucun droit, d'ailleurs. Et d'ailleurs, que ce soit les flics, que ce soit les populations normales, on a tous fermé notre gueule et on n'a pas le droit de se défendre, quoi. Ouais, t'as le droit de subir, c'est tout. Ah, et puis avec c'est... Ah, mais d'ailleurs... c'est un peu dans la même veine, là, mais je sais pas si vous avez suivi, je change vite fait, mais en Italie, le gouvernement italien est en train de réquisitionner les résidences secondaires pour loger des clandestins, qui notamment, des clandestins qui récupèrent bon, de Lampedusa, mais aussi qui reviennent de France et qui repartent en Italie, et les gens, les propriétaires qui s'opposent à cette mesure prétendument temporaire du gouvernement italien, c'est la prison, directe. Ouais, c'est vrai, j'ai vu ça, on a vu des images là-dessus d'ailleurs. Ça va être sympa, les migrants autour du lac de Com. Ah, ça va être beau, hein. Des bandes de nègres avec des baskets blanches, ça va être classe. Hein. Ça va faire progresser le tourisme, ça, tu vois. Je sens que les Américains, les Chinois, etc. vont se bousculer. Hein. Ça, pour se faire vider les poches par des bandes de nègres agressives, c'est garanti. Ah ouais, c'est sûr. Alors, rubrique numéro 2, chers amis. Sur la rubrique numéro 2. Le droitard et la gauchiasse de la semaine. Les deux en même temps. Première fois que ça arrive. Et c'est lors du passage de Robert Ménard sur le plateau d'Ardisson. On va écouter le passage et ensuite on y vient ensemble. Robert. Toi, le maire de Béziers, tu nous as bien prouvé que dans la vie, il faut toujours croire en ses rêves. Tu t'es dévoué en reprenant ce poste, car franchement, à part des emmerdes, qui d'autre aurait repris cette ville de 75 000 habitants? Des réformes choquent et des décisions fermes. Bientôt, tu iras plus loin que l'Hérault. Et un jour, toi aussi, tu seras connu dans l'univers comme le célèbre Adolphe Sax, l'inventeur du saxophone. Ça suffit. Non. Non, Robert, attends. Tu vas te faire foutre. Non, attends, putain. Robert, bon, va. Ça suffit. Non, arrête. Non, mais c'est terminé. Alors, qui veut réagir sur ce truc-là, où on a Robert Ménard qui... Moi, j'ai trouvé qu'il a eu la seule réaction acceptable. Qui veut réagir sur le truc, là? Ouais, bah écoute, c'est vrai que c'est assez sain hein, comme réaction. C'est-à-dire, bon, il reste là, il fait la gueule. Bon, c'est pas tellement Ardisson, hein, bon, qui est en cause. Hein. C'est surtout son espèce d'humoriste, là, que je ne sais pas. Ouais, chroniqueur, là, de 22 ans, avec, avec une thème un petit peu suspect, quand même. Et qui, voilà, qui compare. Qui compare Ménard à Hitler. Quoi. En gros, il parle de Adolf et donc là, Ménard se barre. C'est flatteur. Ouais, il se barre et puis il dit, ouais, bon, c'est flatteur, mais bon, bah, tu sais comment c'est en France, voilà, hein, tu es politique, voilà, voilà. On te dit, voilà, t'es Hitler, voilà, c'est bien, maintenant ferme ta gueule. Du coup, ouais, il se lève. Enfin, il a quand même, il a quand même, en fait, c'est un truc de petite pute. Parce que le mec, il dit, ouais, machin, tu sais, il y a des silences, là, comme, ben, c'est oui, oui, non, mais... Vous écoutez, l'ont entendu, c'est... Voilà, terrible. C'est suggéré, c'est-à-dire que j'assume pas, tu vois, et ce côté, tu vois, je t'encule, mais je t'ai pas enculé, tu vois, c'est juste insupportable, quoi. Je veux dire, si t'as envie de me cracher à la gueule, tu me craches à la gueule, publiquement, tu assumes tes propos, etc. Et ces mecs-là, ils ont... Et en fait, pourquoi je me suis dit que ça valait le coup d'en parler, c'est parce que Ardisson... Ouais, il se marre, c'est il se marre ça. Comme une baleine, lui, derrière. Voilà, c'est ça. Qu'en fait, c'est des combats de coqs. C'est-à-dire que je mets deux coqs dans le truc et je m'amuse. Moi, Ardisson, cette tête de con là, je ne le supporte plus. Tu vois, je ne supporte plus ce fils de pute. En privé, c'est un mec qui a des propos de droite radicale à coucher dehors. Tu vois, c'est un type qui a des convictions qu'on connaît tous, quoi. Et le mec se fait du pèse, se fait du blé. En se foutant de la gueule, tu vois, d'un mec comme Robert Ménard. On en pense qu'on veut de Robert Ménard. Moi, je trouve qu'il fait plutôt un bon job, tu vois. C'est une situation compliquée. Je veux dire, Béziers, c'est ultra bougnoulisé et tout, quoi. Bon, ça va, quoi. Je veux dire, si t'as envie de te foutre la gueule d'un politicien corrompu ou d'une crapule, je veux dire, il y a tout ce qu'il faut en France pour aller regarder ailleurs qu'à Béziers, quoi. Et tu vois, ce fils de pute d'Ardisson qui nous a envoyé toute la chiasse musulmane possible et imaginable depuis 15 ans, qui squatte la télévision... Ce fils de pute se paye la tête de Robert Ménard, et là, moi, je dis, ouais, c'est bon, ouais, basta. Il y en a marre, quoi. Il y en a franchement plein le cul. Et j'en ai d'autant plus contre cet enculé qu'il s'était payé la gueule de Dantec. Dantec, il avait raison, surtout. En tout cas, sur pas mal de questions. Et il faisait des traquenards. Et Ardisson est le spécialiste des traquenards. Le mec n'est pas réglo. Il te lit les mains, les pieds. C'est hallucinant, ce qu'il fait. Bah, oui, et Robert Ménard, j'ai trouvé... Il est pas réglo, surtout au montage, parce qu'il te fait, quand tu vois la tête de Ménard et compagnie, c'est pas forcément la tête qu'il a fait à ce moment-là, tu sais. Donc c'est ouais. Il a des montages qui sont vraiment très très mal, enfin, ouais, c'est vachement très tourné pour lui, quoi. Très très pute. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a invité Laurent Baffy. Enfin, je sais pas s'il il exerce toujours d'ailleurs cette espèce de lope dans cette émission, mais comment dire, j'ai aimé l'attitude de Robert Ménard qui consiste à dire, ok les gars, je participe pas au cirque. D'abord, je suis maire d'une ville. Quand on suggère que Béziers c'est une ville de merde, déjà, rien que par respect pour mes électeurs et par respect pour les habitants de ma commune, déjà, va te faire foutre. Puis deuxièmement, si t'as envie de me traîner dans la merde, écoute, tu peux le faire tout seul, j'ai pas besoin de présent, quoi. Et j'ai trouvé son attitude à Robert Ménard digne, en fait. Bah, moi, Robert Ménard, j'ai beaucoup de mal parce que mais c'est physique, donc je vais pas en parler parce que ce serait ridicule de m'étaler là-dessus, en fait. Vous savez, ce tic qu'il a, en fait, de tout le temps manquer de salive. Je sais pas si. Non, mais d'accord, mais. Je sais pas s'il est surfait ou si. Mais bon, non, mais d'accord, attends, bien sûr. Non, mais. Moi, je comprends parfaitement qu'il y ait des gens qui aiment pas Ménard ou qui aiment pas ce qu'il dit ou qui. On s'en fout. Je veux dire, là, sur l'intervention, tu vois, quand t'arrives chez Ardisson, que le mec se fait insulter et sa ville se fait insulter, tranquillement, tu vois, le mec dit, ok, moi, je joue pas le jeu, salut les cons. C'est, ouais, c'est non, juste non, là-dessus. Ça, c'est propre. Ça, c'est bien. Moi, c'est l'humoriste en question. C'est un petit con de Parisien, mais franchement, c'est une petite merde. Vraiment, hein. C'est vraiment le... Autant tu vois, moi je n'ai pas de haine intégrale contre les Noirs, contre les Arabes, mais vraiment ce genre de petit blanc prétentieux, parisien, enfin, c'est vraiment de la merde. Moi, a-t-il comme ça, tu vois, je en face de moi, très honnêtement, hein, je lui chie dessus, littéralement. Invite-moi le jour où tu le fais. Je suis preneur des vidéos en tout cas. Tu sais, il y a des soirées. C'est que ça risquera de lui plaire. Ne tombe pas dans le spirit cooking avec Marina Maro. Attention. Hein. Surtout qu'en plus, Ardisson, je crois qu'il a voile à vapeur un peu. Hein. Ouais, non, mais bien sûr, mais ça, à la limite, tu vois, ça, je veux dire, c'est un autre sujet, mais je veux dire, ça fait trop longtemps que ce genre d'enculé, tu vois, se paye la tête des gens. Parce que c'est ça le truc, c'est ça, c'est du vice. Le mec, il connaît le public et il sait qu'il est en train d'enfumer le public. Il prend les gens qu'il regarde pour des connards, il méprise les gens qu'il regarde. Parce que le mec, c'est ça, je crois, le truc le plus pervers, c'est que Ardisson est un type d'extrême droite, conscient d'être un type d'extrême droite, qui veut se payer la gueule des mecs de gauche en leur offrant le spectacle débile qu'ils attendent. C'est ça le vice d'Ardisson, tu vois. Et moi, ça, j'en peux juste plus, quoi. Enfin, malheureusement... on voit qu'avec Internet, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire progresser, mais malheureusement, ça progresse pas, parce que le constat de ce genre de mec, en fait, ça s'appuie sur des sondages, des statistiques, et en fait, ils font ce que les gens aiment. Et on voit qu'avec Internet, ça n'a pas changé, c'est-à-dire ce que les gens réclament le plus, c'est dans la musique, c'est les clashs, chez les podcasters aussi, je m'étais intéressé un petit peu aux podcasters YouTube, tu vois. Et en fait, tu vois que les clashs, à chaque fois, ça fait monter, ça rajoute un zéro au nombre de gens qui te regardent, tu vois. C'est hallucinant. Et en fait, Ardisson, c'est comme un vieux publicitaire, il sait ce que les gens aiment, il sait ce que ses cochons attendent, et lui, ce vieux crocodile de la télé, il distribue du caca en barre. Mais c'est malheureusement ce que les gens aiment, donc moi je peux pas le saquer non plus. Pensez qu'il fait de l'attaquer à vous, Ardisson. Vous pensez qu'en fait il se fout de un petit peu des gauchistes en les invitant, en montrant leur ridicule. Ah non, mais on le sait tous. Hein. Moi je pense juste qu'il est là pour pouvoir se payer de la cocaïne ou pour pouvoir baiser de la bourgeoise. Hein. C'est juste ça. C'est juste... Ouais, mais rappelez-vous ce passage où il y a Ardisson, il est là, rue de Rivoli et tout, le mec il crie parce qu'il y a des kebabs qui salopent la rue et tout, quoi. Vous rappelez de ces trucs-là? Il est là et tout, mais putain, vous êtes en train de regarder cette rue. En fait, tous ces types sont comme ça, tous ces gros bourgeois, tous ces putains de parisiens gavés de blé et tout, les apathies et compagnie. Les mecs, ils sont là, et en plus, ils le savent. C'est en plus, on peut même pas dire que les types sont honnêtes dans leur merdier idéologique. C'est que les mecs en plus savent qu'ils vendent de la merde. Tu vois, c'est comme l'épicier séfarade qui est en train de t'en fumer. Il sait qu'il te vend de la chiasse, tu vois. Il le sait, tu vois. Et à la limite, ça l'amuse, tu vois. Et ces gens sont exactement pareils, les Ardisson, les apathies, tous ces tocards là, tu vois. Et les mecs, ils touchent des chèques et des chèques et des chèques. Faut voir ce que les mecs, ils touchent, putain. Et comme ils ont la gueule sur tous les écrans de télé, tout le monde est à leurs pieds. Imagine socialement quand t'es apathique, quand t'es Ardisson, putain, mais dans combien d'endroits t'es pas reçu, etc. C'est incroyable, quoi. Rubrique numéro 4 avec Captain America qui veut. La rubrique numéro 4, c'est la minute marchande. Vous allez comprendre pourquoi. Librement inspiré. Voilà, oui, on est en partenariat avec l'alt-right et on a the right stuff maintenant, hein, s'il vous plaît. Donc voilà, alors la minute marchande avec notre ami Captain America qui va nous dire de quoi il s'agit. Alors, écoutez, c'est très simple, on a des gens, des personnes bien intentionnées qui font partie d'une certaine communauté qu'on ne citera pas et qui ont... Comment ça on ne citera pas? Attends, je comprends pas. Ah bah... Tu parles des juifs, là. Je sais pas. Je vois pas de qui tu parles. Si, tu parles des juifs. Je vois pas de qui tu parles. Et donc, nous avons des gens donc avec des noms à tendance un petit peu, avec des nez très longs. Et, juifs. Voilà. Et ces gens-là, donc, en fait, ont créé aux États-Unis un dessin animé qui est censé être pour les adultes, hein, entre guillemets. Alors c'est vrai qu'au-dessus de ça, il est raté de interdit au moins de 16 ans, si je ne dis pas de bêtises. Il n'empêche que c'est un dessin animé en fait qui s'appelle Sausage Party, dans lequel on suit les aventures d'une saucisse qui est amoureuse d'un pain hot dog féminin, quoi. On va pas dire une femelle, mais bon. Et en fait, donc apparemment, c'est très très gras au niveau de l'humour. Faut savoir que en français, c'est doublé par Cyril Hanouna. Cyril Hanouna qui double donc une espèce de rap ou de tacos mexicain gay, hein, dans le dessin animé. Donc voilà, ça donne le ton déjà. Et que donc outre l'humour très très gras, hein, très très huileux, à la fin, on assiste vraiment à une partouze donc entre saucisses qui fourrent donc le pain pour dog féminin, un champignon qui suce une betterave, un avocat qui se tape une banane, le personnage qu'incarne Hanouna qui embrasse je ne sais plus quelle espèce de mini sandwich. Et là, on a juste envie de dire, bon, bah, écoutez, les mecs, alto sketch, hein, parce qu'en fait, ça, faut savoir que ce genre de dessin animé, si des parents font pas attention, ça peut vite tomber entre les mains de gamins, donc, qui ont bien moins que 16 ans, hein. Il faut savoir que de nos jours, quand même, la pornographie est omniprésente. C'est pas parce qu'on met des contrôles parentaux ici et là que les enfants n'y ont pas accès, hein. Il y a les téléphones portables, il y a surtout les téléphones portables des copains. Il y a qu'à voir le nombre d'affaires, certaines qui sont tues d'ailleurs, hein, soit de harcèlement sexuel, de agression sexuelle, pardon, ne serait-ce que dans les collèges, ou carrément de fillettes de 12 ans qui sucent des gens du même âge dans les toilettes en 6e ou 5e, ce qui est quand même assez inquiétant, quoi. Et en fait, cette sausage party, ben, ça, voilà, ça fait partie d'une. Bon, alors, en gros, c'est en utilisant des ingrédients, on va dire des aliments. En fait, le message, en gros, c'est partout interracial pour tout le monde, sous les auspices du docteur Cohen, toujours évidemment prédisposé à servir l'humanité. J'ai bon ou j'ai tort? Ah ouais, c'est ça, quoi. Parce que, en fait, je voulais dire un truc, c'est que la pornographie, en fait. Alors bon, moi, j'accuse pas tous les juifs d'être dans une conspiration, machin, compagnie, mais il faut quand même savoir que aux États-Unis, hein, la pornographie a été expressément développée par des juifs, hein, dans le but de chier à la gueule de la culture majoritaire qui était catholique et protestante, quoi. Et si on cherche, il faudrait que je retrouve la citation, mais si on cherche justement cette citation-là, c'est un journaliste juif qui interroge. Je sais plus son nom, mais la grande star, le grand producteur du porno dans les années 60-70, qui le dit ouvertement. Il disait, pour nous, les juifs laïcs, la pornographie, c'était un moyen de cracher à la gueule de la culture majoritaire américaine et de se foutre de la gueule de Jésus, quoi. Bon, voilà, j'ai dit ça, j'ai tout dit, quoi. En même temps, je suis pas sûr qu'il soit tellement dans la lignée de l'enseignement de la Torah non plus, à mon avis. Enfin, je sais pas. Peut-être que je me gourre, hein, j'en sais rien. Mais enfin, en tout cas, clairement, on peut dire qu'il y a un message, voilà. Pour... Donc c'est doublé par Hanouna. Tiens, c'est étonnant. On en avait parlé déjà de lui. On le retrouve partout, cette espèce d'énorme sac à huile là. Ah bah dès qu'il y a de la merde quelque part, il est là. Hein, ah, il fait un sacré paquet d'argent, quoi. C'est hallucinant. Ah, c'est hallucinant. À mon avis, ses cousins d'Amérique l'ont repéré, lui. Hein. À mon avis, voilà, quoi. Enfin bref, pause musicale, chers amis, et ensuite on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. Et vous verrez, on a de quoi discuter. On a surtout quelque chose à célébrer d'ailleurs, hein. C'est la mort de Fidel Castro. Enfin, ce sac à merde communiste a daigné quitter la scène publique pour rejoindre la place dont il n'aurait jamais dû sortir, c'est-à-dire la terre, quoi, hein, les tréfonds de la terre. Au revoir, Fidel. Pause musicale. Je ne peux pas m'arrêter. de te faire la fête. Au Rwanda, on aime ça. Occasion rêvée de ressortir sa machine. Cannibal, animal. Aujourd'hui, je décapite qui je veux. Devinez, devinez, c'est la tête de qui. J'ai mon coucou, je fais ce qui me plaît, me plaît. Cette émission. Et avant de commencer, je crois qu'il y a une nouvelle. Alors, je ne la connais pas, on va voir de quoi il s'agit. Derek veut nous parler, veut nous faire part d'un message. Alors, de quoi s'agit-il, cher ami? Oui, j'ai appris cette tragique nouvelle là aujourd'hui. Hein. Alors, c'est à propos d'une personne que vous connaissez probablement pas. Je vous donne son nom, son prénom. Il s'appelle Jeff Gillenkirk. Gillen Kirsch, bon, hein, excusez mon accent anglais absolument horrible. Alors, c'est qui ce Jeff Gillenkirk? C'est un journaliste américain qui la semaine dernière a écrit un article, donc c'est un journaliste de gauche, hein, bien entendu, qui écrit un article à propos du nouveau syndrome post-traumatique, c'est-à-dire le syndrome de stress post-électoral après l'élection de Trump. Donc, en gros, les gens qui sont qui ne se sentent pas bien après l'élection de Donald Trump. Oui, voilà. Oui, donc voilà, il a fait un article, effectivement, pour expliquer tout ça, qui lui-même et pas mal de ses amis ne se sentaient pas bien du tout. Ouais. C'était la semaine dernière. Et là, voilà, nouvelle aujourd'hui. On apprend que ce brave Jeff nous a fait le plaisir de crever d'une crise cardiaque. Donc voilà. Donc bon bah Jeff, écoute Jeff, si tu nous regardes, on t'emmerde. Voilà. J'ai envie de dire que nous on a la solution. Hein. Si tu veux savoir comment être heureux lorsque Donald Trump est élu, bah, c'est simple, deviens comme nous, viens ici, tu vois. Ici, on fait la fête quand Donald Trump est élu, on débouche le champagne, on sort les cotillons, Donc là, on met la musique, on fait chier les voisins, enfin, c'est, on devient des racailles presque. Je pense que vous avez remarqué, mais depuis là, ça fait quand même quelques temps qu'ils tombent comme des mouches, hein. C'est, y a quelque chose. Bah, c'est normal, l'air devient respirable, les mecs. Oui, c'est ça, on ramène un petit peu plus d'oxygène, un petit peu moins de pollution. Pollution raciale. Et ouais, c'est comme Jean-Luc Mélenchon, hein, il peut pas vivre entouré de blancs, tu vois. Il faut qu'il fasse gaffe à son cholestérol. Hein. Ce qu'on appelle une libération. Il y a Malek Chebel aussi. Il y a Malek Chebel qui nous a fait plaisir de clamser depuis l'élection. Oh ouais. Alors, puisque nous en sommes aux charognes qui veulent bien justement en devenir une totalement, d'assumer leurs conditions de charogne jusqu'au bout, après avoir cité le brave personnage dont tu parles, et Malek Chebel, hein, bon voilà, et ben il y a Fidel Castro. Fidel Castro, grand leader de la révolution marxiste internationale, crevure parmi des crevures, dans le panthéon des enculés communistes, je crois qu'il... Bon, c'est pas non plus le plus gros patron, il y a quand même Staline, il y a Mao, etc. Mais non, il est là, il est présent. Alors, on va revenir hein, sur Castro. Alors, quand même, les réactions dans les médias, je prends les vôtres d'ailleurs, ce que vous avez vu, ce que vous avez envie d'en dire à Derek, comme toi et moi, nous partageons ensemble un anticommunisme fervent. Nous sommes les gardiens de l'orthodoxie anticommuniste, effectivement. Oui. Alors moi j'ai vu Manuel Valls. Alors bah déjà je l'ai vu, ça me fait chaque fois du mal à chaque fois que je vois cette espèce de gueule de macaque. Et donc qui était à la télévision, donc bon qui parlait effectivement les droits de l'homme, etc., mais qui nous disait qu'il y avait eu des avancées. Pour l'éducation et compagnie, putain, bah, oh, bah, là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre, quoi? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? L'éducation, qu'est-ce qu'il a appris? Il a appris qu'un homme égale une femme égale un cheval égale un poney, putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est-à-dire qu'en fait, ils sont essayés de sauver les vieux mythes de la gauche, parce qu'ils y sont tous passés, même Allende aujourd'hui n'est plus crédible. Genre, c'est un mec qui a touché de l'argent de l'ambassade du Troisième Reich. Excuse-moi, ouais. Oui, puisque tu parles d'Allende, l'ordure communiste chilienne, l'occasion de rappeler que Fidel Castro, dans son infinie bonté, a eu la bonne idée de mourir hein, le jour de l'anniversaire du vénérable Augusto Pinochet. L'homme voilà qui aimait bien apprendre à voler aux communistes, donc voilà le destin vraiment nous offre des signes qui sont infiniment joyeux. Non mais alors là, si vous croyez pas aux symboles et au destin, s'il n'y a pas une inflexion qui est en train de se dérouler, je ne sais pas ce que c'est. Augusto de là, il nous regarde, nous envoie un message en disant: les gars, c'est moi qui le fume à la fin. C'est moi qui l'entube. Castro, cette espèce d'énorme sac à merde, qui vivait, mais en plus, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Castro vivait dans une villa, vous avez même pas idée, c'était en bord de mer, un truc grand luxe, etc. C'est hallucinant, il avait capté toute la richesse du pays, il avait, avec toute sa famille, etc., il avait fait une OPA sur l'île. C'est une dictature à partie unique, vous ne pouvez pas exprimer la moindre opinion déviante du Parti communiste sans avoir de très gros problèmes avec le régime. Enfin, c'est une tyrannie rouge, stalinienne, qui a toujours été soutenue par l'Union soviétique du temps de la guerre froide, et ensuite qui a toujours continué sur sa lancée. Et c'est fascinant de voir cette gauche s'accrocher à ces vieilles figures là. Qui sont des tyrans. Enfin, je veux dire, Fidel Castro est un tyran. C'est un tyran. Imaginez ce que c'est. Quand on voit ce qu'on reproche à Pinochet, qui a sauvé son pays, économiquement parlant et socialement parlant, du désastre crypto-marxiste, et qui a dû utiliser la manière forte, et je m'en félicite, contre la vermine rouge, Et quand on voit que grâce à lui, le Chili a pu éviter tous les affres que d'autres pays qui ont sombré dans le communisme ont dû traverser, et qu'il est traité de salopard, et que Fidel Castro, qui lui est un putain de tyran, on va y revenir, mais non repenti, qui a totalement assumé sa politique, qui a mené son pays dans un désastre incroyable, de voir que ce mec est adoubé totalement par toute la presse occidentale, ça en dit long, quoi. Même Juncker. Non, mais d'autant plus que Pinochet, à son époque, les dernières années, c'est limite s'il n'était pas pourchassé comme Hitler, quoi. Hein. Bien sûr, il y avait toute la presse rouge en train de lui dégueuler dessus en Europe, il y avait les juges rouges en Espagne qui ont fait toutes les misères incroyables, alors que, par rapport à une saloperie comme Fidel Castro, c'est rien du tout. Et surtout, c'était des mesures d'urgence. Incroyable, sidérant. On va revenir sur tout ce qu'a fait Castro. On cache tout sur Pinochet. Excuse-moi Gandalf, mais faut savoir, Pinochet, par exemple, il a chassé les cartels du Chili, ce qui fait que le Chili a pris énormément de retard par rapport aux autres pays dans la production de cocaïne. C'est uniquement Pinochet. Puisqu'en fait, le Chili, au départ, c'est de là qu'a démarré la cocaïne. Sans Pinochet, le Chili aujourd'hui, ça serait comme beaucoup d'autres pays sud-américains, il serait complètement soumis à l'autorité des cartels. Les communistes nous le cachent, c'est comme avec Mussolini, comme avec Hitler, on nous cache toutes les choses positives qu'ont fait les mecs un peu. Il était carrément droit, hein, les mecs, excusez-moi. Alors, revenons sur le régime cubain. Abordons des faits. J'en cite toute une série, mais enfin, commençons simplement par un seul truc. 27 mai 1966. 3,5 litres de sang par personne furent médicalement ponctionnés sur 166 civils et militaires cubains par décision de Fidel Castro et vendus au Vietnam communiste au prix de $100 le litre. Après la prise de sang, les 166 condamnés en état d'anémie cérébrale, paralysés et inconscients, furent emmenés sur les brancards et exécutés. Voilà. C'est un exemple. C'est beau. C'est solidarité prolétarienne, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de petit profit. Continuons. Dans le livre noir du communisme, Armando Lago écrit qu'au moins deux sources différentes ont documenté pour chaque mort, donc ça veut dire que pour chaque mort, deux sources, l'assassinat d'environ 97 000 personnes par le régime de Castro, 30 000 exécutés par les pelotons d'exécution, 2 000 lors d'assassinats extrajudiciaires, 5 000 en prison, battus ou torturés par les gardiens au refus de soins médicaux, et 60 000 qui ont tenté d'échapper à l'enfer cubain par la mer et qui sont donc morts en mer. Donc voilà, 100 000 morts à Cuba, un pays qui n'est pas très peuplé d'ailleurs. Oui, et après, il y a aussi les innovations en matière carcérale, hein, parce que vu qu'il y avait quand même pas mal de monde à enfermer. Ils ont quand même été à la pointe de l'architecture carcérale avec la prison panoptique. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est-à-dire que c'est des prisons construites, c'est des grands cercles, quoi, des grands tubes plutôt, construites comme ça. Et au milieu de tout le contour, tu as les cellules, et au milieu, tu as la tour avec les gardes, c'est-à-dire que tu économises le nombre de gardes pour veiller sur les prisonniers. Tous les mecs sont au centre et puis ils peuvent voir tout le monde. C'est pas un petit peu ce qu'ont inspiré les Américains à Guantanamo? Non, parce que j'entends pas trop les gauchistes qui chient sur les méthodes américaines. Oui, c'est très bien. C'est-à-dire qu'effectivement, Guantanamo est situé à Cuba. C'est une propriété américaine sur Cuba. On nous en a fait des tonnes sur Guantanamo. Pourquoi? Parce qu'on prenait des bougnoules agressifs qui avaient tendance à commettre des attentats et à les balancer dans cette île-là. Alors ça, c'était insupportable, c'était affreux, c'était horrible, machin, etc. Bon, d'accord. Par contre, à côté, sur tout le reste de l'île, sous la direction communiste, on peut enfermer tous les opposants à la dictature, etc. On n'en entend jamais parler. Sur le même territoire. C'est quand même hallucinant, je veux dire. C'est-à-dire, Guantanamo partout, la tyrannie cubaine, on entend. La tyrannie communiste cubaine, on n'entend rien. Alors ça, merci à l'AFP, communiste, hein, les communistes français payés par le gouvernement français, agence presse et toute la racaille du journalisme institutionnel. Enfin, c'est surréaliste, je veux dire, c'est incroyable, incroyable. Mais c'est un exemple concret. Hein. Comment dire bon, bah, donc on n'entendra pas parler des 100 000 morts de Castro, hein, je crois que c'est à peu près clair. Comme a dit, comment il a dit, Valls, il a dit, c'était... le chemin de je sais pas quoi, il y a eu des avancées, c'est ça le truc, j'ai pas compris tout ce qu'il a dit là. Derrick, qu'est-ce qu'il a raconté, Valls? Des avancées, c'est ça? Ouais, ouais, les avancées en matière d'éducation, mon vieux. Ah ouais, d'éducation des prisonniers ou je sais pas, un coup de schlag, je sais pas. Ouais, oui. La rééducation, les avancées en matière de rééducation. Ah, j'ai une question à vous poser. Excusez-moi, ouais. Parce que moi je connais pas très bien l'histoire de Cuba. Pourquoi on parle souvent de la médecine cubaine? Elle est réellement bonne, cette médecine cubaine, ou c'est un mythe, une fois de plus? Non, c'est pas forcément un mythe, mais je veux dire, même si elle est bonne, la médecine... Enfin, écoute, soyons sérieux, je veux dire, franchement, si c'est ce que ça coûte d'avoir une bonne médecine, c'est-à-dire d'enfermer des mecs qui sont pas d'accord, etc., avec je sais pas quoi, etc., et de les faire crever, ou de les saigner à mort, etc., et de les faire passer par 40 000 sévices, qu'est-ce qu'on en a à foutre de leur médecine? Je veux dire, tu vas en France, tu vas en Belgique, tu vas en Allemagne, tu vas au Japon, tu vas en Corée du Sud, tu vas aux États-Unis, t'as combien de pays capitalistes, tu veux, qui ont une médecine qui est décente? Alors, elle n'est pas parfaite, mais elle est décente. T'as pas besoin d'une tyrannie rouge, ou si tu veux, parce que tu vois, t'as une phrase qui n'était pas prononcée comme il fallait par rapport à la ligne du parti, qu'est-ce qu'on en a à branler leurs soins? Mais on s'en bat les couilles. Moi, je m'en fous complètement. Et on voit de savoir si c'était du mensonge une fois de plus ou pas. Mais pas forcément. Mais je veux dire, tout est relatif. Tu veux regarder l'ensemble de la société. Ah, c'est quand même important. Je veux dire, qu'un pays développe une haute qualité de médecine, ça signifie que tout n'est pas acheté. Alors après, 90% peut être acheté, mais la santé et la médecine, c'est quand même... un des signes de la civilisation. Je vais pas défendre Fidel Castro, hein. Je crache mon petit avion avec vous, hein. Y a pas de problème. Mais je voulais juste dire que c'était pas insignifiant. Les sources et de la médecine commune, fait de la médecine cubaine hors du commun, ça reste quand même les journaux du régime, quoi. Fait du régime et leurs alliés, quoi. Donc, Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que les médecins qui sont formés à Cuba, et Cuba en forme à peu près 12 000 par an, la moitié en fait viennent des pays d'Amérique du Sud. Ce ne sont pas des Cubains à proprement parler. Donc effectivement, il y a une forme des médecins. Et je veux dire, en France, si tu changes les règles du numerus clausus et que tu choisis plutôt que de sélectionner un étudiant en première année, tu choisis d'en sélectionner trois, tu as exactement le même taux de recrutement de médecins. Et c'est pas pour autant que la qualité moyenne des médecins en France va baisser, parce que bon, on peut penser ce qu'on veut de l'examen qui sélectionne les premières années de médecine. Mais bon, c'est quand même c'est un peu arbitraire, si tu veux. Il y a un côté méritocratie évident, et il y a aussi un côté très, tu peux passer à la trappe, en fait, hein. Ça peut même sélectionner des débiles, pas des débiles, mais des gens qui ne sont qu'obéissants. Donc, effectivement, le système médical cubain protège un petit peu Cuba du côté big pharma, ça c'est vrai. Mais bon, voilà, enfin, quand même mieux vivre dans un pays occidental qu'à Cuba. En règle générale, même pour ta santé, c'est vrai. Et même David Cotbendit le dit. Un des plus anti-castristes, c'est assez amusant, mais c'est pour une raison historique qui date de l'été 68, mais c'est Daniel Cohn-Bendit qui avait attaqué, par exemple, on le sait, Victor Orban au Parlement européen, qui avait dit que le fasciste Orban allait dans la même direction que les totalitaires dictateurs que sont Chavez et Castro, c'est ce qu'il avait dit. Donc, c'est assez amusant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en 68, après le printemps pseudo-révolutionnaire de trotskiste de 68, Cohn-Bendit était allé donc faire un petit tour en Amérique du Sud pendant l'été, et il est allé voir Fidel Castro, et à ce moment-là, Castro lui avait dit, bah écoutez, cher Daniel Cohn-Bendit, puisque vous dites vous opposez aux Américains, ce serait peut-être pas mal de soutenir votre ami Général de Gaulle plutôt que de lutter contre lui. Et voilà pourquoi Danny le Rouge, le pédophile, a toujours une dent contre Fidel. Ouais, moi, bah, j'aimerais rappeler quelque chose. C'est que la première mission médicale humanitaire de Cuba, elle a été envoyée en Algérie. C'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier. Hein. Ah oui, c'est vrai, puisqu'on en est à parler de Cuba, il y a Che Guevara, parce qu'il y a tous ces putains de mythes, là. Il y a Che Guevara, alors lui aussi, voilà, l'Argentin révolutionnaire, figure de la révolution, hein, voilà, qui a fini comme un pouilleux liquidé par la CIA, qu'elle soit bénie. quelque part, non mais voilà, non mais, faut... non mais rendons à César ce qui est à César, je veux dire. Remercions la CIA d'avoir flingué quand même Che Guevara, a éliminé cette crevure de Che Guevara, mais qui était un chien fini. Mais Che Guevara, dans sa lucidité, a mené, effectivement, tu l'as dit, des missions en Algérie et aussi des missions en Afrique. Mission qui, alors je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas s'il y a eu un miracle. Qui l'ont mis au contact des populations africaines. Alors Che Guevara, soudainement... Ah oui, il a été transformé. Hein. Ah oui, il a eu... La lutte prolétarienne, tous les peuples et compagnie, putain, ça y a fait drôle. Hein. Ah oui, c'est là, il a dit, ah tiens, c'est marrant, les nègres sont quand même infoutus de faire quoi que ce soit. Et il l'a dit, c'est écrit, c'est avéré, etc. Et là, tu rigoles, parce que tu dis, en fait tous ces branleurs de marxistes prennent la réalité en pleine face. Et tout d'un coup, c'est... Parce que les mecs sont quand même dans la lutte armée, et tout d'un coup, ils disent « Pierre, c'est marrant, j'ai que des tocards autour de moi, je risque de me faire tuer à cause de ces cons, quoi. » Et les mecs le disent, ils en peuvent plus, et les Cubains qui sont vraiment... Enfin, les Cubains ont trempé dans tous les coups pourris depuis 50 ans, grâce à cet enculé de Castro, je le répète. Ce sale type a fomenté les troubles en Angola contre l'Afrique du Sud, enfin, ils étaient partout. On les a pliés, c'est un fait. Enfin, ils ont quand même foutu la merde partout. On les a toujours retrouvés dans tous les coups pourris, les Cubains. Dans tous les coups foireux. Ces types sont des crevures, enfin, le régime est un truc d'enculé, ce sont des communistes invétérés, il faut... Et pourquoi Obama, tout d'un coup, s'est retrouvé, ah tiens, avant de quitter la présidence, je pardonne à Cuba, je réouvre les relations commerciales, c'est hallucinant. Bah, c'est parce qu'il fait partie de la bande. Il fait partie de la bande, évidemment. Donc ce régime de communistes criminels, qui a, par une main de fer... résister à toutes les tentatives en fait de libération du pays, ce pays est encore gouverné par un parti unique communiste, comme en Corée du Nord, et ce pays, je veux dire, est célébré comme étant... voilà. J'ai des proches, personnellement, qui ont été à Cuba, ils m'ont dit, et des proches qui ne sont pas du tout de mon bord politique, d'ailleurs. Ils n'ont pas du tout de tendance ou quoi que ce soit. Ils ont été à Cuba, ils ont dit « Ouais, on va aller à Cuba » et tout, machin. En plus, ils me trouvent « Ah, Gandalf, t'es trop dur, etc. » Bon, machin. Les mecs vont sur place, ils disent « Putain, mais t'as pas idée ce que c'est le truc. » C'est-à-dire qu'on peut pas faire un pas, on est surveillé partout. Ils ont fait nos bagages dans l'hôtel. On est parti à la plage, on est revenu, tout était fouillé dans la piole. Incroyable et tout, ce pays est une putain de tyrannie. C'est une tyrannie complète. Et ils n'en revenaient pas. Les mecs ne sont pas du tout de notre bord. Et il disait, en gros, il t'expliquait, il disait, bon, en gros, t'as les zones à touristes pour prendre le cash, et dès que tu vas dans le Cuba réel, c'est une tyrannie où les gens souffrent, ont trois fois rien, sont surveillés comme pas possible, c'est un état policier complet, le moindre mot de travers, etc., peut se terminer extrêmement mal, et pendant ce temps-là, tu as une couche qui gouverne le pays, donc une couche d'apparatchik, qui vit dans l'opulence insolente, ça c'est le Cuba réel. Et c'est le Cuba qu'adore évidemment, les grandes consciences de la libération qui se Olivier Besancenot. Jean-Luc Mélenchon. Il y a un truc qui est quand même très intéressant à noter, c'est que l'apologie du Venezuela et du Cuba, c'est l'alliance égalité-réconciliation Mediapart. Il n'y a que pour encenser ce Mélenchon. Genre de pays. Ouais, Mélenchon, alors, ouais, c'est la gauche unie, quoi, c'est le front de gauche. Alors, puisque nous y venons, je cite les réactions de nos dirigeants. Alors, François Hollande, très sobre, hein. Castro a incarné la révolution cubaine, voilà. Il s'est quand même déplacé en 2015 pour aller lui serrer la paluche à cette momie, donc il a voulu serrer la main du leader Massimo. C'est intéressant. Donc il s'est pas du tout, donc on l'a dit, hein, 100 000 morts, non il s'en fout, il est très content avec ça. Le secrétaire général du Parti communiste français, bon, ça n'a pas étonné nos auditeurs, Pierre Laurent, salue la mémoire de Fidel Castro, qui toute sa vie a combattu l'impérialisme américain pour la dignité de son peuple. Bon, vous en ferez ce que vous voudrez. Et enfin, Jean-Luc Mélenchon. Poète, je le cite, Fidel, avec des points d'exclamation. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Fidel ? Interrogation. Demain était une promesse. Fidèle. L'épée de Bolivar marche dans le ciel. Alors, je sais pas à quoi il tourne Mélenchon, si alors, c'est du gros rouge ou je... Moi, quand ça me fait penser à du Taubira, quoi, tu vois, c'est... Ouais. À mon avis, c'est de la crocodile, là. Mélenchon, tu sais, vu son avenir politique, il est passé directement à la crocodile, tu sais, cette drogue russe qui te transforme en lézard en l'espace de 2 ans, t'sais. Non mais le mec, il en est encore sur les restes de Chavez, alors que, excuse-moi, dans leur pays, ils n'ont même plus de PQ, au Venezuela, hein, et de leur propre fait, c'est un pays riche en plus, le Venezuela. C'est un pays riche. Mais c'est ça, c'est magnifique avec les communistes, c'est que les pays riches deviennent pauvres. Hein, enfin bon. Alors lui, Bolivar, machin truc, hein, pouilleux, et ah, Castro. Alors Castro maintenant, ah, fidèle, il fait de la poésie à la maman Malpaf. Et du coup, bon, bah voilà, il brode là-dessus, etc. Alors, bah les gars, si vous comptez voter Mélenchon en 2017, bah vous savez ce qui vous attend. Hein. pénurie d'essence, plus de PQ. Voilà. Par contre, vous serez tous communistes et tous frères dans la pauvreté. Bon, bah, ça, c'est pas mal aussi. C'est bon, chacun son programme, quoi. Mais enfin, bon, bah, venant voilà. De quelqu'un qui a été sénateur pendant 30 ans, c'est parfait. Hein. Le gars qui est parfaitement dans l'opulence. Ouais, qui a une maison à la campagne, d'ailleurs. Il a une résidence à la campagne, tranquillement. Bah voilà, bon. Et pour vous dire, ces régimes d'extrême gauche, ils sont tellement peu faits, je pense qu'ils sont faits pour aucun type d'homme d'ailleurs, mais ils sont tellement peu faits pour les Européens que même les Portugais, qui pourtant, le Portugal, vous le savez, c'est un des pays les plus socialistes d'Europe depuis une vingtaine d'années quand même, ils n'ont quasiment que des socialistes à chaque fois. Et pourtant. Moi, j'avais vécu sur une petite île, enfin qui est la troisième ville du Portugal quand même, Funchal, où il y avait beaucoup d'immigrés, en fait de remigrants, c'est-à-dire des gens qui avaient des Madérans qui avaient émigré au Venezuela et puis qui en étaient revenus. Et ils en étaient revenus à cause de quoi, à cause de qui? Bah, devinez, à cause de Chavez, parce que les Portugais ils pouvaient plus. Puis, en fait, Chavez il chassait tous les gens qui avaient un petit peu de patrimoine. Dès que t'avais une baraque et tout, t'étais dans le viseur, quoi. Donc forcément, les Portugais qui arrivaient avec leur intelligence communautaire, tu sais, parce que les Portugais ils arrivent, ils sont très communautaires, ils se mettent tout de suite à travailler ensemble, à s'entraider et tout ça. Bah forcément, ils avaient développé des richesses là-bas, dans ce pays qui, comme vous le disiez, est très riche. Sauf que dès que Chavez est arrivé, ils étaient dans le viseur, ils sont tous revenus, quoi. Ah non, mais ça, c'est une constante communiste. C'est-à-dire qu'en fait, le premier, entre guillemets, capitaliste qui se fait exproprier, c'est certainement pas le capitaliste multimilliardaire. Ce capitaliste-là, il rentre au parti communiste. Et il fait du communisme une sorte de capitalisme d'État. Mais c'est un petit peu ce qui s'est passé en Ukraine, c'est-à-dire que les premiers capitalistes à être expropriés, ce sont les koulaks. Et les koulaks, c'était les paysans propriétaires de leurs terres, qui en chient, hein. C'est-à-dire qu'ils avaient un statut pas loin du propriétaire. C'était plus ou moins ce qu'on pouvait... C'est une comparaison un petit peu irraisonnable, mais les koulaks, c'était un petit peu... les coqs de village, si tu veux, hein. C'est-à-dire que c'était les paysans, les anciens serfs, qui à force de travail et d'intelligence étaient devenus propriétaires de leurs moyens de production. Ouais. Enfin bref, Fidel Castro Olivier, est mort. Ouais, Besancenot, non, il est castriste maintenant. Ah bah il a écrit un hashtag, enfin un Twitter, un tweet avec un hommage à Castro, même s'il a cité les déboires aussi de la, enfin il a évoqué ça, les déboires de la révolution cubaine, et puis il a écrit en hashtag hasta la victoria siempre. Oh mais quel toqueur, mais lui, mais de toute façon tous ces gauches, mais non mais ces mecs ils ont 10 ans d'âge mental et ça leur changera. Non mais c'est vrai, non mais c'est imaginé quoi. C'est ouais, c'est équipé, merci Fidel. Putain, mais hey, tu sais que tous ces toqueurs de putain de gauchistes là, ils seraient tous en taule à Cuba. Ouais, c'est tout sans tout. C'est le Père Noël, il a eu sa période de croyance dans le Père Noël, il a eu sa période Goldorak, et puis après c'était la révolution, quoi. Ah, la période T-shirt Che Guevara, effectivement. Mais non, non, mais ça, on connaît tout ça. Mais il aime toujours les nègres qui font du gangsta rap, Besancenot, parce que la dernière marque, c'était ça. Ah, je pensais qu'il s'était converti au capitalisme américain. Avec les gros chiens. Oh, putain, est-ce que quelqu'un veut dégueuler sur Manu Chao, là, c'est le moment? Oh là, comme pourquoi ça, l'improviste, non. Enfin, bon, à part, c'est vrai que physiquement, physiquement, enfin, on en revient un petit peu à ce qu'on a déjà dit sur les ressortissants d'Espagne. mais voilà, rien de plus. Hein. Attends, dans le genre, je fais la promotion du communisme métèque avec des bananes dans le cul, il est pas mal ce con. Bah, il fait la promotion de ce qu'il est, donc ça me choque pas outre mesure. Ceci dit, pour établir quand même la réputation des Espagnols qui vivent en France, je tiens à rappeler le mec qui a malencontreusement fait chuter, comment il s'appelle, le petit con qui est mort, là, Clément Méric, sur un poteau, bah, c'est un Espagnol. Il a tué un Breton gaucher. Ouais, mais c'est vrai. Il a pas c'est fait exprès, donc ça compte pas. Non, mais faut surtout savoir que nous, on se tape les pires Espagnols parce qu'en fait, on se tape ceux qui ont fui Franco, quoi. On se tape les rouges, quoi. Mais sinon, les Espagnols, je crois que c'est Hitler qui avait dit donnez-moi des guerriers allemands et espagnols et puis je conquiers toute l'Europe, quoi. Donc là, t'as la preuve concrète que quelqu'un de clairvoyant ne voit pas en l'Espagnol un vieux Manu Chao, un mec qui est juste bon à traîner ses coups et sa guitare, quoi. De toute façon, Manu Chao, mais tout ce mouvement, moi j'ai vu aussi, il y avait des rappeurs, il y avait une petite rappeuse de Marseille, Kenya Arcana, c'est une espèce de punk à chien amélioré, quoi, punk à chien qui, avec une douche mensuelle quand même, quoi. Avec du savon cubain, et même pour toute l'île. Oh putain, oh là là. Ouais, non, mais Arcana, mais c'est misérabiliste comme pas possible. Arcana, c'est. Et puis bon, enfin, ouais. Vaste sujet, chers amis, vaste sujet. Enfin bref, quittons l'île de Cuba et ses charmes. Enfin, c'est beaucoup plus plaisant maintenant. Enfin, maintenant que Castro nous a fait la gentillesse de crever, c'est beaucoup plus agréable. Quittons ces rivages-là pour venir en France et discuter des primaires du parti de la droite conservatrice. De la droite, d'abord, de la droite. Commençons pas à mettre de qualificatifs trop généraux. Ah, pour moi, conservatrice, c'est une insulte. Enfin, bon, ça me concerne après tout. Peut-être que j'ai tort, je sais pas. Ah oui, moi je suis plus droite révolutionnaire, tu vois, déjà, c'est différent, quoi. Bon, ok. Bah, autant pour moi. Alors, bon, confrontation entre Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, essentiellement, et François Fillon. Bon, Sarkozy out, première réaction sur le cas Sarkozy, ça y est, c'est bon, le nabo de Salonique nous a fait la grâce de dégager. Réaction, les gars ? Oui. J'en parlais, je crois pas que je n'ai parlé à l'émission précédente, mais bon, on en a parlé entre nous. C'est vrai que dimanche dernier, je n'ai pas hésité à saisir l'occasion de foutre le nain, l'espèce d'immonde métèque, de le renvoyer dans les poubelles de l'histoire. Et donc, effectivement, là, en ce jour, je suis fort heureux de ce qui est arrivé dimanche dernier. C'est pas un petit événement parce que quand même. Ah non, pas du tout. Sarkozy. Ça fait au moins qu'on le traîne, hein. Ça fait au moins 20 ans, hein. Donc. 2002. Oui. Il y a l'affaire Balladur. Ça fait très longtemps. Mais on va dire qu'il est installé dans la vie politique française depuis 2002, quoi. Quand il est rentré au gouvernement français, ouais. Qu'il a monopolisé le ministère de l'Intérieur pendant 5 ans. Et qu'il est devenu président, et enfin, ça fait calculer, ça fait 14 ans qu'il nous casse les couilles quand même, ce mec. Il 93, ministre du budget déjà. Voilà, tu as parlé de l'époque Balladur. Moi, je me souviens même quand j'étais minot, quoi, que je voyais sa gueule déjà à la télévision. Ça me faisait bizarre, quoi. Tu parlais de Manu Chao tout à l'heure, tu vois, ou même de Manuel Valls, ils ont des gueules difformes. C'est pas normal, ces trucs, hein. C'est pas normal. C'est des métèques, hein, autant. Ouais, ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, ouais. Il y a peut-être un lien de cause à effet. Alors, donc, du coup, alors, il a essayé. Il a, faut dire ce qu'il a fait une campagne extrêmement efficace en 2007. Probablement une des. Oh, autant que j'ai pu en juger une des meilleures campagnes jamais faites en France en matière présidentielle en 2007. Ouais, ouais, enfin. Très, non, mais enfin, je veux dire, non, après, c'est de la merde. Non, non, c'est de la merde. Non, mais. Mais en 2007, il était. Enfin, en termes de campagne, il était très bon. Oui, il était d'autant plus bon que Jean-Marie Le Pen était très mauvais. Donc. Oui, voilà, mais sur les conseils de qui, hein, bon, ben, voilà. Voilà, hein, bon. Et donc, Sarkozy avait fait une campagne hallucinante. Enfin, c'est une campagne à droite toute, un peu à la Trump. C'est-à-dire que vous bossez, mais putain, mais vous méritez votre argent. En gros, les Arabes, ils vont fermer leur gueule, on va les souquer, etc. Bon, j'avais dit à des collègues à l'époque, les gars, soyez pas trop cons, vous savez très bien qu'il est en train de vous enfumer, c'est de l'arnaque. On m'avait dit, non, c'est un bon, etc. Bon, bref, voilà. Ça, c'est torché, c'est fini. Et en fait, on se retrouve dans une situation où il y a une alternative, en fait, totalement conventionnelle, à mon sens, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, où c'est finalement du Juppé, où en fait, c'est Chirac, j'allais dire Redux, Empire. Quoi, c'est la... c'est voilà, Empire. Empire, ouais, ouais, peut-être, mais il n'y a même pas la diplomatie avec, ouais, ça. Au moins, Chirac était un peu plus... Là il n'y a plus rien. Ou alors Fillon, mais on va avoir l'occasion d'en parler. Votre sentiment sur ce... Les mecs n'ont pas vu venir Fillon, moi je pense que c'était pas trop... Je pense que les gens avaient plein le cul de Sarkozy, de sa sale gueule, déjà, et de son sale tarin, puisqu'il a un sale tarin, ce mec. Il a un nez, je veux dire, c'est un nez, c'est criminel d'avoir un nez comme ça, quoi. Enfin, c'est odieux d'avoir un nez pareil. Bah, il doit avoir du mal à passer les portiques aux aéroports, quoi, parce que c'est considéré comme un arnaud blanche, le truc, hein. Ah non mais il a un nez où tu sens qu'il veut t'assassiner, quoi, tu sais qu'il veut te tuer, c'est le tarin, et puis la narine en plus, alors je vous invite, chers auditeurs, prenez Google Images, Sarkozy, nez, faites un zoom, regardez la narine, si ça c'est pas suspect, je sais pas ce que je suis bouddhiste, ou alors je sais pas, je suis brahmine, je ne sais pas. En tout cas. Ah bah là, plastiquement, nos amis, là, entre Hillary Clinton, qui a pris 30 ans en une semaine, là, après les cuites qu'elle a dû se prendre suite à sa défaite, et Sarkozy, qui s'imaginait déjà travailler avec elle, comme à la grande époque. Oui. Là, c'est... Pour moi, c'est plus logique. En fait, pour moi, c'est plus l'échec de Juppé, réellement. Parce qu'en réalité, Sarkozy, il allait sur les plates-bandes de l'extrême droite, sauf que l'extrême droite, il l'a trahi. Enfin, l'extrême droite, là, je parle comme les médias, hein, c'est tellement bidon, on se comprend, mais bon, on va parler comme les médias. Donc, il allait sur les plates-bandes du Front National, et le Front National a été déçu, les gens qui votent Front National ont été déçus une fois par ce cloporte, enfin, une fois au minimum, mais une fois beaucoup en 2007, après il les a déçus plusieurs fois à travers ses déclarations comme quoi le métissage était la voie obligatoire, qu'il fallait y aller sous la contrainte, enfin bref, tout un tas de déclarations plus hallucinantes les unes que les autres. Donc ce mec-là nous avait déçu l'électorat potentiel du FN. Donc c'était sûr qu'il n'allait pas faire des masses. Moi je pensais qu'il allait battre Juppé, parce qu'en fait, les médias sont tellement nuls qu'ils n'avaient pas vu venir voir, ils n'avaient pas vu Fillon venir. Mais en fait, c'est l'échec qui est retentissant là, c'est l'échec de Juppé, qui avec tous les médias derrière, tout l'électorat gauchias, boboïde de Paris, qui n'a que ça à foutre, pour qui c'était une petite sortie entre copains le dimanche, vous savez, c'était donné rendez-vous avec des hashtags, des machins, ensuite oui, on va voir un bloquer coup. Sarkozy. Tous ces fils de pute ont été votés Juppé, et le mec n'a même pas 28%. Donc ouais. il est misérable. Alors oui, c'est d'autant plus vrai ce que tu dis que c'est si tu regardes un petit peu, je crois qu'il y avait 600 000 électeurs de gauche qui sont venus voter à la primaire pour Juppé majorité contre Sarkozy. Donc si tu lèves les 600 000 voix des mecs de gauche de Juppé, des gens qui se déclarent comme étant de... ouais non mais Sarkozy est deuxième, mais des gens qui se déclarent de droite et qui votent Juppé. il y a quasiment rien. D'ailleurs, c'est voilà, c'est Juppé, c'est le mec et ouais, c'est le mec de gauche quoi. Élu par la gauche. Mais c'est et du coup comme Chirac. On a la belle tête de Painku, là, le gendre idéal de campagne, François Fillon. Voilà. Après, donc voilà, il y a François Fillon, et là, c'est vrai qu'il y a un petit peu clivage. Je vois que notre ami Alexis n'aime pas trop. Alexis Charge, vas-y, ouais. Alexis, ouais, allez, dis allez, tout ouais. Le bien que tu penses de Fillon, d'Éric. Ah bah... Ça passera de défendre le cas Fillon, vas-y. Exactement. Ah bah alors là, les médias nous... Pierre Berger estime que voter Fillon, c'est voter pour la France pétainiste. Alors ça pourrait nous donner envie d'aller dépenser 12 euros et d'aller souhaiter le retour du maréchal. Putain, mais il faut payer pour ces enculés juifs. Bah oui, il faut choisir. Bah écoute. C'est magnifique. Alors excuse-moi, mais Léon Degrelle faisait payer l'entrée à ses meetings, donc oui, mais pas le problème. Léon Degrelle était un bon catholique et un nationaliste. Catholique, en tout cas, François Fillon peut-être, nationaliste, je sais pas, mais voilà. Alors, François Fillon, il y avait des rumeurs comme quoi il était de la jaquette, mais ça, j'y crois moyennement. Ouais, les rumeurs sorties des tréfonds des éléments périphériques du Parti communiste, je m'en méfie comme de la peste. On voit que tu veux déjà rentrer c'est, au... C'est, non, mais Derek s'est transformé en croisé pro-Fillon. Attention, parce que là, tu rejoins Marc-Georges. Marc-Georges qui est un fionniste jusqu'au bout des ongles. Ah, non, mais pas de private joke, ne parlons pas des personnes insignifiantes. ok, continuons. Alors vas-y Alexis, dis-nous tout. Alors donc, je crois que tu as regardé la biographie de François Fillon. Donc en 1975, il était assistant parlementaire d'un député. Donc il avait été un brillant étudiant en droit. Il avait obtenu une maîtrise de droit sans avoir jamais travaillé à ma connaissance. Il est devenu assistant parlementaire. Ensuite, le type est mort. Hein, j'ai oublié son nom. Bon. Et ensuite, François Fillon, très tôt, s'est fait élire député de la Sarthe. Il a été président de région. Il a été ministre sous Chirac. Il a été premier ministre. Un premier ministre bien sage, hein, bien gentil comme il faut, qui allait bien au panier comme il faut. Quand on lui demandait, il s'est soumis. Il a collaboré à la politique Sarkozy pendant 5 ans. Et voilà. Donc 1 million d'immigrés en plus. La déstabilisation d'une bonne partie du continent africain via l'attaque sur la Libye. Voilà, tas de joyeusetés. Écoute, sur ce sujet-là, même la Libye, il y a même François Hollande, dans son bouquin, là, c'est où il parle de journaliste du Monde d'Ave et l'Homme, qui dit que quand Fillon a vu arriver Guéant, hein, qui commençait à faire les magouilles et compagnie, voilà, il est allé voir Sarkozy pour lui indiquer que ça ne lui plaisait pas, etc. Il est resté, on est d'accord. Il est resté aussi pour faire chier le Sarkozy, parce que la Constitution française fait que le président ne peut pas virer le Premier ministre. Hein. Il faut que ce soit le Premier ministre qui démissionne, ou alors il faut que ce soit l'Assemblée nationale qui destitue le Premier ministre. Donc, ce n'était pas le cas. Donc, il est resté jusqu'au bout, effectivement. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Voilà. Certains vont dire que j'ai tort, pas de souci. Quoi qu'il en soit, le programme qui est tenu à l'heure actuelle par François Fillon est qualifié dans les médias. Là, tu as dit Pierre Berger, voilà, comme quoi c'était la France pétainiste. Tu as des couvertures de magazines avec la gueule de Fillon, le retour aux années 30. Moi comme publicité, ouais, enfin, excusez-moi, mais... Le politisme, c'est d'extrême gauche. Ouais, enfin bon, les journalistes sont d'extrême gauche. Donc, tu as ça. Cette semaine, ça a été le déferlement anti-Fillon. Non, mais évidemment, mais bien sûr. Horrible, mais attends, mais ça, c'est une... Franchement. Et là, voilà. Les gars, on parlait du FN. Diabolisé. Là, le mec, il s'est pris une semaine de diabolisation pure concentrée, quoi. Exactement. Mais, cher camarade, il faut que tu apprennes un truc. Et tous les... Parce que, tu vois, c'est pour ça qu'on a plein de gens qui nous suivent, qui ne s'intéressent pas à la politique politicienne des partis dominants. Et je les comprends, c'est chiant à mourir. Sauf que. Tu apprends plein de trucs sur la façon dont le système fonctionne. Et si t'es un vieux daron, machin, et que tu connais cette vieille putain qu'on appelle la 5ème République, tu sais comment ça fonctionne. Et le truc, c'est que la gauche a toujours fascisé ses opposants. Même quand c'était improbable. Je veux dire, les procès en fascisme, ils m'ont même servi à Chirac. Dans les années 80. Et 70. C'est même à dormir debout. Je veux dire, quand tu lis les trucs, t'es là, Tu tombes des nues. Oui, ça veut dire que la gauche a choisi son candidat, la personne d'Alain Juppé. Voilà, non mais absolument, ouais. Absolument, ça, t'as raison, absolument, à 100%. Attends, Astérix, c'est absolument juste ce que tu dis. Je suis pas en train non plus de faire comme s'il n'y avait pas de... Voilà, bien sûr, Alain Juppé, c'est la liquidation, comme Clinton, c'est la liquidation. Ceci étant dit, Fillon, qu'à titre vraiment personnel, je veux dire, au plan humain, personnellement, tu vois, je veux dire, d'individu à individu, évidemment, j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, et j'aurai jamais l'occasion de le rencontrer, c'est une personne, si tu veux, qui me paraît assez respectable personnellement, autant que faire se peut quand t'es un politicien de merde dans un système de merde, et que ton boulot au quotidien, c'est de trahir ton pays, tu vois. Je veux dire, autant que faire... Voilà, c'est-à-dire que dans la putasserie, Fillon, c'est pas le pire. Ok. Ceci étant dit, c'est un putain d'apparatchik. C'est un mec qui a fermé sa gueule sur tout. C'est pas un mec qui a dit, tu vois, en 2011, il a dit, attendez les gars, qu'est-ce que c'est, la Libye, c'est quoi le plan là, on va où là? Non. Il a fermé sa gueule, il a signé. Et il a signé sur tout. Il a signé sur toutes les régularisations, il a signé sur de la main. Et encore, dans les grands médias, tu vois, je le voyais encore à la radio, Radio Grand Public, quand on lui demandait, est-ce que si vous étiez maire, est-ce que vous accepteriez des migrants, etc. Oui, j'accepterais des migrants, etc. C'est ouais, un ouais, mais c'est des oui, mais non, c'est pas vraiment... Attends, tu vas pas vendre Fillon. Tu vas pas vendre Fillon. Ah, moi, j'ai pas vu le mec... J'ai pas vu le mec dire, non, il y en a assez... On se fait envahir par l'islam, maintenant c'est la reconquête. Écoute, il parle d'interdire les frères musulmans, on en a parlé. Mais il en parle. Attendez, ouais, les gars, il en parle. Juppé, là-dessus. La gauche à côté derrière, hein, quand il parle de ça. Attends, moi je vais dire un truc. C'est les politiciens diront n'importe quoi pour être élus. Moi ce que je veux voir, c'est des actions. Fillon, il a été Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Et on ne peut pas médire de Sarkozy sur son quinquennat sans associer Fillon. Ou alors on est inconséquent. Oui, non, mais tu peux pas. Tu peux et pas c'est, pour ça que, c'est pour ça tu qu'il peux pas, peut. Tu... peut... Je ne sais pas si tu as remarqué, entre-temps, il s'est fait voler le parti l'UMP à l'époque par le juif Copé. Ça y a peut-être servi de leçon aussi. Hein, je ne sais pas. Non, parce que si tu veux, ces types sont. Il faut comprendre ça, si tu veux, humainement. Même humainement, tu vois. Humainement. Ces types sont des gens, tu vois, qui n'ont pas dû risquer leur vie pour leur truc. Ces gens sont comme des fonctionnaires, tu vois, c'est à l'ancienneté, tu vois. Et Fillon est le produit de ça, tu vois. C'est pas que le type est une ordure. Je suis convaincu d'ailleurs que, et comme la plupart de beaucoup de ces politiciens, tu vois, si tu l'avais chez toi à dîner, c'est un type très agréable. Un type très agréable. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est d'avoir du courage dans des situations extrêmement difficiles et d'accepter de se sacrifier pour quelque chose de plus grand que soi. Ces mecs-là sont pas là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Et pour en finir vite fait, tu vois, alors est-ce que Fillon est le plus détestable? Je crois pas, mais est-ce que Fillon est co-responsable de la catastrophe? Absolument. Il a été Premier ministre de la France sous Sarkozy. Sarkozy, je considère que Sarkozy a été un criminel dans sa politique. À tous les niveaux, politique étrangère, politique intérieure. On peut pas dire, oui, mais je sais pas, j'étais là, oui, mais j'ai pas voulu, j'ai pas un truc. Et non. À tout instant, tous les matins, il pouvait démissionner. Démissionner, mais on s'en fout. Mais justement, en disant, voilà. Il a fait À la fin, il a fait chier Sarkozy à rester là, quoi. En gros, l'autre, il voulait le remplacer. On s'en branle. Moi, je m'en branle pas. Le programme qu'il a actuellement n'est pas le même que Sarkozy, n'est pas le même que Juppé, surtout. Et enfin, si on va parler un petit peu tactique politique, enfin, oui, tactique. Si tu veux, on parlera programme, t'en non, fais pas, mais moi j'estime, si tu veux. Si tu veux. On s'en fout qu'il soit bon ou pas bon. Il a un programme qui est libéral, très libéral. En face, tu vas voir le mec de gauche, tu vas voir Marine Le Pen. Ok, on va dire que le mec de gauche va se faire éliminer premier tour parce que voilà, François Hollande et compagnie. Tu as Marine Le Pen face à François Fillon. Entre ces deux candidats, lequel peut faire fuir les fonctionnaires vers Marine Le Pen et vers si tu veux, le côté obscur? C'est François Fillon, hein, parce que ça me paraît trop. Ça me paraît trop compliqué comme truc. Ah, non, non, non, non. Attendez, le portefeuille, c'est ça qui te fait réfléchir. Ouais, non, mais d'accord. Les fonctionnaires, crois-moi que François Fillon, ça, c'est pas leur truc. Sauf que ça, c'est des propos. Vous croyez que ces gens-là ont tous les pouvoirs, etc. Mais non, ils sont tenus par des lignes budgétaires. La France est tenue par un certain nombre d'obligations en termes de dettes, etc. Ces gens-là, ils vous raconteront n'importe quoi pour être élus. Ils vous diront, mais oui, mais en fait, il n'y a qu'à que. Voilà, mais moi, je vous sac 1 million de fonctionnaires, vous allez voir, ça va tourner. Oui, non, enfin, on est d'accord là-dessus. Moi, voilà. Et c'est pour ça que moi, je vous dis, attends, le mec a été Premier ministre de Sarkozy pendant 5 ans. Il s'est assis dessus. Moi, faut pas me raconter de crack. Voilà, il est. Attendez, il a été élu pour la première fois comme député dans les années, en 81. C'est pas lui qui va sauver la France. Et c'est pas lui qui va sauver le peuple français. Mais c'est évident, Gandalf. Là, on réfléchit à autre chose. C'est-à-dire, moi, je suis d'accord avec la réflexion d'Éric. C'est meilleur pour faire basculer le vote du Front National à 50%. Je pense que c'est le meilleur opposant que Marine Le Pen puisse avoir, contrairement à ce que Marion Maréchal a dit, puisque c'est le seul qui, lui, avec son programme libéral, peut être doublé sur sa gauche par le Front National, qui, malgré tout, parce que l'économie, on s'en branle un peu aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'arrêter l'immigration. L'économie, on verra après. Donc, Marine Le Pen, c'est un autre client. Et puis, il y a un deuxième truc, quand même, c'est que ce gars-là, il a une personnalité intéressante. Or, on sait ce que les gens sont obligés de faire quand ils sont des ministres et tout ça. Ils sont soumis à un pouvoir qui les dépasse complètement. Là, tu peux pas faire le surhomme, tu peux pas faire Superman. Donc, le mec ne peut que tailler des pipes, au minimum, suivre en loose day, en faisant de temps en temps un petit peu le rebelle. Mais si cette personnalité accède au pouvoir, pourquoi pas réellement des grosses réformes sur l'économie avec beaucoup moins de parasites et tout ça, et pourquoi pas aussi des réformes sur l'immigration, parce que c'est quand même quelqu'un qui aime l'alpinisme, qui aime les sports extrêmes, ouais, qui aime la voiture. Si vous voulez, on n'a pas affaire à un planqué de base. C'est pour ça qu'on le voit à l'écran. À l'écran, il dégage quelque chose qui nous semble plus humain à nous autres qui sommes encore un peu humains. On voit bien que ce type, comme tu le disais, on pourrait boire un coup avec lui. Parce que en réalité, c'est encore un homme. Alors, son poste fait que le Larbina est dans le contrat, quoi. Donc, il est là pour suivre les ordres. Mais s'il accède à l'autorité suprême, je sais pas, peut-être qu'il pourrait se transformer en réformateur positif, quoi. Qui va plutôt dans le sens des Européens qui travaillent. Qui serait intéressant, c'est alors, moi, je veux une parole de bon sens, MacDav. Moi, je veux bien croire, et ça m'est arrivé également, entre François Copé et François Fillon, et je soutiens évidemment François Fillon, parce que évidemment que le mec m'inspire quelque chose. Je pense que globalement, c'est pas un mauvais type. Mais c'est quoi François Fillon? François Fillon, c'est le statu quo avec les vieux. C'est le candidat de la gérontocratie à la française. Et la gérontocratie française, qu'elle soit de droite ou qu'elle soit de gauche, n'a strictement rien à foutre que ce pays soit envahi de nègres. À partir du moment où ces nègres torchent le cul des vieux. Son programme libéral, MacDav, là, tu t'énerves là, mais son programme libéral est justement anti-vieux. C'est-à-dire que là, il dit aux vieux, maintenant, c'est fini les amis. Vous allez bosser un petit peu plus parce que vous êtes en train de les douces avec vos vacances nouvelles frontières aux Seychelles, tout ça, mais là, tu comprends mal le truc. Là, rentrons dans ce sujet-là qui, à mon avis, est essentiel. Tu dis tout, non, t'as tort, les vieux, machin. Attention, te trompe pas. Qui s'est déplacé en masse? J'ai les chiffres sous les yeux. Ouais, les vieux. Je vais les rappeler pour nos auditeurs. C'est des chiffres que j'ai hein, dans un sondage, et, là, c'est très sérieux. Comment dirais-je? François Fillon, d'ailleurs, a drainé beaucoup. Enfin, tous les candidats ont drainé plus d'hommes que de femmes. Mais chez les vieux, François Fillon, de plus de 65 ans, c'est 47. Plus de 47. Juppé, c'était 39. Donc, il y a un phénomène d'atténuation. Et Sarkozy, c'était 28%. Très intéressant ce clivage. C'est-à-dire que Sarkozy, et ça on peut lui faire tous les reproches, Sarkozy avait cette capacité à attirer les actifs chez les gens tentés de voter pour la primaire. Quoi. Fillon, c'est vraiment le candidat des vieux. 47% de plus de 65 ans. Au total, sur les plus de 50 ans, hein, c'est du 71% pour Fillon. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que disait l'ami MacDav? Bah, en fait, ça veut dire, enfin, surtout sur les plus de 65 ans, là, les pratiquement la moitié du vote Fillon, les plus de 65 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que t'as des gens qui te disent, qui se déplacent, qui vont voter, qui choisissent Fillon et qui disent moi, retraité, je veux que des gens bossent pour me payer ma retraite. C'est de l'égoïsme puissance mille. Ah oui, mais c'est pas ça. C'est peut-être pour dégager Sarkozy et puis pas pour avoir un repris de justice aussi. Hein. Non, c'est pas ça le truc. C'est pas ça le truc. C'est que les mecs, ils disent non, crois-moi bien. Les gens, ils s'en foutent du pédigré, de la gueule. Les vieux retraités veulent que les jeunes triment pour eux. Parce qu'on leur a dit vous devez toucher X sur tant d'années. Point à la ligne. C'est pas spécifiquement les vieux. Tout le monde cherche toujours son intérêt. Tout le monde. Peu importe les classes sociales, peu importe le niveau de revenu, etc. Tout le monde cherche toujours son intérêt. Et les vieux cherchent leur intérêt. Et ils ont compris qu'avec Fillon, on avait un mec qui était un candidat sûr. Non mais attends. C'est un premier ministre qui a été 5 ans en exercice. Il n'y a pas de surprise. C'est pas un mec qui va te faire un coup... une idée farfelue. Non, il a donné des gages. Parcours sans faute, 5 ans Premier ministre, sécurité totale. Qu'est-ce qu'il dit? L'euro, on va le garder. L'euro, on va le garder, on va se battre pour le garder. L'Union Européenne, on va la défendre jusqu'au bout. C'est ce que veulent les vieux. Ils veulent que, leur assurance vie, que le patrimoine qu'ils ont investi, notamment en euros, et dans la dette publique française, soit garantie. Et on a un Fillon qui dit ça. Et qu'est-ce qu'il dit en échange? Il dit, bien sûr, l'économie doit être plus compétitive. C'est-à-dire, les jeunes doivent trimer et payer la différence. Parce qu'il faut qu'on garantisse auprès des investisseurs étrangers, il faut qu'on garantisse la dette française. On est dans la même situation que Louis XVI en 1780. C'est-à-dire qu'on a un monarque qui dit, on ne peut pas faire défaut sur notre dette. On doit apporter des garanties. Et le mec, il change de Premier ministre. Parce que c'est jamais bon. Pourquoi? Parce que quand t'as Turgot, le mec, il a dit, mais mec, fais comme tu veux, il faut tout changer le système si on veut être crédible. Et les mecs, ils disent non. Les rentiers disent non. On peut pas changer le système. Si je change le système, je perds tout. Et les vieux ne veulent pas changer le système. Et c'est ça que dit Fillon. C'est ça que je comprends pas. C'est que ce qu'il propose, ce type, c'est l'austérité pour les jeunes et les actifs. Pour sauver le système de retraite. Ouais, c'est faux, hein, c'est faux. Et les retraites. Si, parce mais que non, les vieux, ils investissent dans les bons trésors. Il y a des fonctionnaires que la gauche. Excuse-moi, Gandalf, mais on s'en fout. C'est pas l'austérité pour les jeunes entrepreneurs, c'est pas l'austérité pour les jeunes qui mordent la vie à pleines dents. C'est l'austérité pour tous ceux qui profitent d'une je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. De subventions et tout ça. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Sauf que, d'abord, les réductions qu'il va faire ces entreprises, je suis un gros partisan de la libéralisation totale de l'économie. Il faut quand même me comprendre. Je suis un ultra-capitaliste. Mais ce qu'il propose de faire, c'est simplement de récupérer les conneries d'Hollande. C'est pas d'avancer plus, c'est de récupérer les conneries d'Hollande pour revenir au statu quo. Et deuxièmement, c'est de les rendre suffisamment compétitives pour apporter suffisamment de cash pour être crédible au niveau international, pour continuer à emprunter pour maintenir le système. Parce que sur les... Par exemple, prenons les fonctionnaires. Il dit, ouais, je vais en supprimer 500 000. C'est des conneries. Moi, je me rappelle de la campagne de Sarkozy. Il avait dit le même chiffre, cet enculé. Il avait dit 500 000, j'en supprime 500 000. Arrivé à la veille de l'élection, mais vraiment, dans le dernier mois, il a dit, bon, en fait, oui, effectivement, c'est un peu trop radical, 200 000. Ce qui s'est passé en même temps, c'est que les collectivités territoriales ont emprunté, on en a embauché 300 voire 400 000. Et c'est toujours le même cirque. Parce que vous croyez que le Parti Socialiste il va rester inactif? Vous croyez que nos partis socialistes, pendant que la droite sera au pouvoir, ils vont... Parce que c'est toujours dans la fonction d'État, parce que quand tu es président de la République, tu ne peux tailler que dans la fonction publique d'État, tu ne peux pas tailler dans la fonction publique territoriale. Tu peux tailler que dans la fonction publique d'État. On va tailler sur quoi ? Sur les infirmiers, etc. C'est une escroquerie. Il faut arrêter avec cette histoire de lutte contre la fonction publique d'État. Je veux dire, elle est déjà taillée à vif. Le gros problème dans la fonction publique, ce sont les gens de la fonction publique territoriale. C'est là le problème. Et personne n'en parle. Et tu ne peux pas contrôler ça avec la présidence. Ça se passe au niveau des collectivités. Mais c'est géré par des putains de socialistes, ça. Dans les métropoles, etc., les régions. C'est pour ça qu'on est dans des schémas qui ne sont pas les bons. Et moi, je me méfie beaucoup des discours simplistes, alors que je suis un libéral, un capitaliste, et que je défends la libéralisation totale. Parce que moi, je veux des chefs d'entreprise. Je veux que des jeunes bossent. Je veux que les gens qui bossent soient rémunérés pour les efforts qu'ils font. Mais j'ai l'impression, et c'est mon sentiment, que ce type nous propose simplement l'austérité pour les vieux, quoi. C'est tout, quoi. C'est tout à fait ça. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Les régions sont passées à droite. La politique de recrutement, la politique clientéliste des fonctionnaires territoriaux n'a absolument pas cessé quand les régions sont passées à droite. Il faut arrêter de vivre dans le monde des bisounours. Ce que vous propose François Fillon, c'est la déflation monétaire assortie à la déflation salariale. Et ce sont les jeunes des classes populaires et moyennes, et surtout des classes moyennes, qui vont trinquer pendant encore 5 ans pour maintenir un système qui est voué à l'échec. C'est ça qui nous arrive avec Fillon. Alors, effectivement, le type, il est assez sympa. Effectivement, il y a un vernis gaulliste et catholique qui, moi, très concrètement, me plaît. L'alpinisme du sport extrême. Le mec, c'est un fils de notable et d'universitaire. Bah attends, mais arrête un peu, tu te fais vrai. Je laisse vraiment avoir pour ça. Mais je veux dire, les mecs qui sont à voir pour par Fillon, parce que le mec fait les 24 heures du Mans, c'est exactement les mêmes qui sont à voir par le discours sarkozyste, parce que Sarkozy frayé avec Patrick Buisson, tu vois, c'est la même. Non, mais attends, non, ça n'a rien à voir. Quand tu fais les 24 heures du Mans, t'as la mort à chaque virage, t'as quelqu'un qui, a priori, est capable de dépasser ses peurs, de dépasser ses angoisses. C'est des sports qui demandent un dépassement de soi et qui exclut dès le départ 90% des postulants. Il y a plein de gens qui aimeraient faire du sport automobile. Moi, j'aimerais faire du sport automobile, j'aimerais faire de la moto. Je n'en ferai jamais parce que je suis une flippette. Donc ce mec-là, déjà, a plus de burnes que moi. Or, moi, par rapport au français lambda, je me dis si le mec a plus de burnes que moi, c'est déjà pas mal par rapport à ce qu'on scoltine d'habitude. Bon, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, puisqu'on en est à Cité de Gaulle, je crois pas que De Gaulle est un adepte des sports automobiles. Enfin bon, ça l'a pas empêché d'être un, je pense, un président qui avait une paire de baloches placée où il fallait, tu vois. Alors que, ceci étant dit, je suis pas gaulliste, hein. Je suis assez critique. Mais ceci étant dit, bon, c'est quelqu'un qui avait de la prestance. Surtout par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quelqu'un qui en imposait, je veux dire, au plan personnel, et on lui a jamais demandé de faire des sports extrêmes ou d'être crédible physiquement. Je trouve que c'est un, je pense que les gens confondent beaucoup, je veux dire, les stars de cinéma. C'est un type d'homme, c'est un certain. Oui, type oui, mais non, mais pas vraiment. Dans... Moi, je suis pas d'accord. Je veux dire, quand je vois De Gaulle, alors que personne lui demande assister à une messe. Parce que j'ai vu des belles photos comme ça, alors que je suis pas gaulliste, je suis vraiment pas gaulliste, quoi. Je n'aime pas De Gaulle en plus. Mais quand je vois De Gaulle assister à une messe, moi je me reconnais. Et là je vois un homme. Et ben justement, ah bah alors là, ouais. Gandalf, j'ai quelque chose à te proposer sur Fillon qui va te plaire. Est-ce que tu sais que Fillon est le seul homme politique, malgré que le gouvernement lui ait dit que c'était périlleux et que l'a engagé à ne pas s'y rendre? Fillon s'est rendu aux frontières de l'État islamique pour aller voir les chrétiens d'Orient et aller leur dire que les chrétiens d'Orient étaient sûrement la communauté la plus délaissée aujourd'hui au monde. Et s'il y avait, il a même parlé de génocide et tout. Enfin, il a vraiment été fort. Et il a dit, si la France ne vous défend pas, aucun autre pays ne vous défendra. Il faut non, absolument attends, que la attends, France attends. Soit la première à vous défendre. Je vais pas rentrer dans ces trucs-là parce que Fillon est le mec qui a soutenu l'agression contre la Libye. C'est vrai. Il a détruit ce pays avec Sarkozy. Alors, il peut dire oui, mais j'étais pas. Tu vois, c'est un petit peu comme, c'est comme si Goebbels se distanciait de Hitler, quoi, tu vois. Oui, mais vous comprenez, moi, je faisais la propagande. Non. Écoute, la Libye a été détruite sous Sarkozy avec l'appui, et j'ai les textes et j'ai les déclarations de Fillon, et c'est odieux. Oui, c'est vrai. C'est odieux. Et c'est la même chose contre Bachar al-Assad. Je crois que c'est ça qui soulève plus le cœur, d'ailleurs. Ouais, mais t'as vu la déclaration de Poutine? Mais je m'en fous. C'est de la réelle politique. Poutine dirait du bien de Satan si Satan disait du bien de la Russie, tu vois. Il a raison, d'ailleurs. Il a raison parce que c'est comme ça que ça marche, la politique étrangère. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'on a affaire à un mec qui est un mec comme Fillon. Et c'est pas le diable incarné. Je suis pas en train d'essayer d'expliquer que c'est l'horreur absolue. Je dis simplement que ces gens n'ont aucune conviction. Ces gens n'ont aucune fortitude intérieure. Ils n'ont pas de principe. Ils n'ont pas d'idée. Ils n'ont pas d'idéal. Ils n'ont pas de courage. On n'a pas besoin d'avoir des surhommes, on n'a pas besoin d'avoir des génies, on a besoin d'avoir simplement des êtres humains qui ressentent et qui prennent des risques. C'est tout ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'avoir des génies. Ça, c'est du luxe. Mais on n'a plus ça. On a affaire aujourd'hui à des reptiles, à des gens qui rentrent simplement... C'est ça. Moi, excuse-moi, on ne me vendra pas Fillon. Attends, on ne me vendra pas Fillon. Qui a soutenu la destruction de la Libye et la Syrie. On me le vendra pas. Non, mais moi, c'est vrai que ça, c'est ignoble. Ça, c'est atroce. Mais nous, quand même, Poutine, pour qui on a un grand respect, qui a sûrement un sens de la politique c'est du plus poker, aiguisé encore que l'autre, si c'est possible. Poutine a quand même dit que cette personnalité était différente. Il a rencontré énormément de gens, énormément de politiques occidentaux, et il a dit, comme moi, je le pressens, que c'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes aspirations au taillage de pipe que les autres. C'est quelqu'un qui est plus capable de se mettre en risque, de se mettre en danger. Je pense que il est moins médiocre. Bah, écoute, on l'a vu pendant 5 ans. Effectivement. Bon, on a compris que l'argument c'était de dire qu'il était le premier ministre de Sarkozy. Ok. Mais non, mais c'est pas un petit argument. C'est pas un témoin. En même temps, quand même, le mec, il a validé tout ce qu'a fait Sarkozy. Quoi. Je veux dire, tu peux pas passer Gandalf, outre ça. Quoi. Derek l'a dit. Excuse-moi, l'homme chocolatine, mais Derek a bien dit que il était fort probable qu'il soit resté uniquement pour faire chier Sarkozy, qu'il ait été obligé de valider tout un tas de décisions de Sarkozy à l'international, mais qu'il soit resté. Écoutez, arrêtez de vous raconter des cracks. Il a inauguré la mosquée d'Argenteuil. Arrêtez, s'il vous plaît. De nous raconter des bêtises. T'imagines ? C'est comme s'il y avait un mec qui était dans l'organigramme nazi à l'époque et qui dit « Ah non, mais moi je suis arrêté juste pour mettre des bâtons dans les roues à Hitler. » Non mais attends, tu fous la gueule de qui, quoi ? Ouais. Enfin bon, c'est un débat qui mérite d'être continué indéfiniment, et l'histoire donnera tort ou raison, ou donnera tort à Derek, ou donnera raison à Derek, je ne sais pas. Après tout, on en sait rien. On verra bien. Bah écoute, mais peut-être que tu vas beaucoup plus loin que moi, j'en sais rien, moi je... Hein. En tout cas, on se dit à la semaine prochaine et on aura probablement des choses à discuter parce que maintenant, toutes les semaines, nous réservent des surprises formidables, des trucs inattendus, des revirements de situation. C'est à espérer, en tout cas, surtout pour nos éditeurs. À bientôt, à la semaine prochaine. Salut les amis. À bientôt les amis. Salut. À plus. Le bateau vient juste d'accoster, encore une belle fournée, elle va bientôt s'installer, la diversité. Ils viennent reconstruire l'Occident, avec leurs femmes et leurs enfants, sans oublier de s'intégrer, nos braves immigrés. Elle vient guérir toutes nos douleurs, il nous faut toutes ces couleurs, l'ami de la France métissée, la diversité.